Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Voilà, pas de retour. Permettez, je mets le baffle là. Ça y est, je suis de retour. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Voilà, je Ça vous fait entends. longtemps, hein? Belgique dans Oui, la Seine. ça fait très longtemps. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Oui. Bonsoir. Le couple Tra, bonsoir, je vous Bonsoir, vois. monsieur. Je vous vois. Oui. La sœur, Ah, ami, la sœur, ami, bonsoir. On ne voit pas ta caméra. bonsoir. Ok. Éloigné. Oui, La oui, femme. oui, elle est à distance là. La soeur Suzanne Clodon, on voit seulement les jouets avec les petits-enfants en train de jouer sur l'image. Bonsoir. Oui, c'est parce que j'ai mon portable en fait. Ok, bon, tu n'as pas T'as pris. un portable. Ouais, tu n'as pas pris de Et si disque. je le laisse pas charger, ça se décharge tout seul. Ok, donc c'est branché, alors au courant. Et par conséquent, ça Voilà. ne veut pas prendre de vidéo. Exactement. Comment vous allez ce soir? Oui, Bien. très bien, frère. Bien. Tout va la... très Ouais, apparemment la sœur reine, elle doit être de garde ce soir, ou bien? En fait, elle était avec nous ici le week-end passé, oui, du vendredi au samedi. Ouais. Elle était ici, elle nous a dit que le temps est bon, le jour aussi est bon, mais elle allait voir. Mais cette fois-ci-là, certainement, elle était de garde. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Bon, de toute façon, certainement, si elle est de garde, elle va finir, elle pourra nous joindre. Elle pourra entrer directement en conférence avec nous, si Dieu le permet. Amen. Ah, ça fait longtemps, vous m'avez manqué là. Oui, notre frère. Ça, c'est sûr. Ah Comment ça a été le Gabon? bah ouais, vous allez Il y a entendre. eu du feu. Ouais, Vous avez fatigué. entendu? Il y a eu du feu. Hein? Vous avez soif, hein? Ah ouais. Ouais. Bon, vous n'avez pas soif, vous. Si. Aussi, on a eu vraiment. On dirait que c'est Trop fort là-bas. Voilà, le frère Tra a déjà pris son stylo pour me bombarder avec les questions ce soir. Alors, la sœur Christiane, elle n'est pas non plus connectée. Est-ce qu'elle est au courant du programme? Oui, elle sait. À moins que peut-être elle ait des uns de. Oui, elle a eu un boulot aussi, tout ça. Bon, on sait pas si c'est dû à ça. Bon, elle est au courant. Bon, Mais j'ai vu. peut-être quand le frère Travis aussi aura du boulot, on ne le verra plus au programme. En fait, je veux pas qu'un boulot fait obstacle en tout cas à ma consomption ou bien À ta à communion. ma communion avec le Seigneur. Donc, Voilà. même si je demande le travail, tout ça, mais que ça ne touche pas mes heures Ouais. d'entretien dans le Seigneur, tout ça. Voilà. Non. Soit plus matin et plus bon. Voilà. La nuit, ça va, quoi. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse la maison, bénisse le nouveau bébé, ainsi de suite. Et comme le Seigneur Amen. a pu calmer un peu la soeur, ton épouse avec. Tu vois ce que tu lui as fait là, non? Là, maintenant, elle est obligée de te calmer un peu, quoi. Le Seigneur fait grâce. Vraiment, il a fait grâce. Ah, c'est le fruit. Oh. C'est le fruit Amen. de Dieu là-bas, n'est-ce pas, frère là? Oui, mais le frère. Oui, je suis à votre En service. songe, j'ai vu ton épouse. Ah. En Oui. songe, j'ai vu la sœur grâce deux fois enceinte. Oui. Je lui ai dit ça. Et Bon, quand on voit le en Seigneur m'a songe. montré qu'elle était enceinte deux Bon, fois dans le maintenant, ciel. si tu vois enceinte, ça veut dire que tu dois faire la layade de l'eau, puisque c'est toi qui as vu cela. Sinon, pourquoi tu verrais donc cela? Ah, je sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré. Voilà, je crois que écrivez à la soeur Reine pour qu'elle rejoigne la conférence dès qu'elle pourra, qu'elle n'appelle pas, ou bien si elle n'est pas disponible, qu'elle puisse se sentir à l'aise, ou bien elle est dans les transports en commun, je crois très bien. Alors, on va travailler. J'aurais souhaité vraiment qu'elle y soit dès le départ. Bon, de toute façon, racontez-nous comment vous avez suivi dans les différentes tournées. Alors, je suis à votre service. En attendant que elle puisse arriver à la maison dans quelques minutes. En tout cas, pour ma part, c'était fort. Le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Et gloire soit rendue au Seigneur pour toute cette délivrance, pour des gens, pour les frères vraiment qui un temps soit peu se rapprochent du Seigneur et on veut davantage découvrir le Seigneur. Parce que les ténèbres ont tellement régné que il est temps que la lumière vraiment soit là pour que les enfants du Seigneur soient éclairés. Vraiment, c'était très fort. Le nom du Seigneur soit encore glorifié pour tout ce merveilleux boulot qu'il a eu à faire. Amen. Voilà. Amen. Amen. La sœur amie, Oui. pourquoi tu es pensive comme Albert Einstein comme ça? As-tu une préoccupation particulière, la sœur Claudon? Oui, mon frère, mon bébé. Oui. J'accouche le 22. Je suis censée accoucher le 22. Il J'ai. n'y a pas de préoccupation majeure, non, en principe. J'en avais parlé à ton épouse. Hein. Donc, normalement, il y a. On sort. Non, sinon, non, non, tout va bien. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses hein, en songe aussi. Et je sais que quel que soit la situation, la dangerosité de ma situation, il sera là pour me soutenir, Oui. puisque c'est ce il m'a montré en songe. Oui. Et donc, non, mais vraiment, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Amen. D'autre part, comme tu sais bien qu'on est là parce qu'on est expatrié français, et que mon conjoint, il avait fait la... Comment? Ah, pardon, pardon. Et que mon conjoint, il avait fait une demande de renouvellement qui n'a pas été, comment dire, favorable. Oui. Donc, ceci dit, on retourne en France cet été, l'été là qui va arriver au mois de juillet. Ouais, ce ne sera que On partir retourne et chez nous en France. ce ne sera que partir On ne remise, n'est-ce connaît pas? pas encore la destination, mais on verra ça par la suite. Mais comme je dis toujours, je remets ça entre notre d'œil et lui qui m'a dit entre le Sénat. Donc moi, je suis sereine, je suis vraiment sereine. Absolument, absolument, d'autant plus que mon mari, entre-temps, après son mariage, hein. Celui, il me fait généralement, il me vient de son bébé. Il se rappelle, je me sers rien. Il y a, je crois, il y a une semaine dernière, il était avec moi avant, on l'a vu, tout d'un La coup, connexion il a sursauté. Je me suis n'est re... pas bonne du côté de la secte. Je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes que moi parce qu'on a du mal à discerner ce qu'elle a dit. Le temps que sa connexion se positionne, on retourne de couple tra. Couple tra, vous avez la parole. Le temps que ça se positionne du côté de la secte. Après. Pour nous, tout va bien, en tout cas. Tout va bien. C'est de rendre grâce au Seigneur d'abord pour ce qu'il a fait pour nous. Oui. Bon. Une fois qu'on priait aussi concernant cela, ça nous a fait grâce de pouvoir. D'abord, il m'a montré sans songe la grossesse de mon épouse. Je crois 3 semaines ou 1 mois après, il m'a montré déjà que c'est un garçon. Il m'a révélé cela aussi. 3 semaines encore, il m'a révélé le nom. C'est fort. C'est pour ça que ma soeur est calme là-bas comme ça. Parce que tout est accompli déjà. Mais je vous pose la question. Vous pensez que une équipe une équipe de football qui prépare des compétitions, vous pensez que les joueurs rêveraient de quoi? De gagner. Et celui qui va faire la boxe ou bien le karaté, quand il est en entraînement, quand il rêve de quoi? Il rêve de remporter la victoire. Vous pensez que c'est un chat d'homme en plein journée, il balance la main comme ça, il se rend rêvé de faire quoi? D'attraper une souris. Absolument, absolument. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, la cycle donc, est-ce que ta connexion est claire encore déjà? Ça va là, vous m'entendez ou pas? Je crois que c'est distinct maintenant. Là, c'est bon, c'est bon. Là, ça va mieux. C'est bon. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Hein. Mais elle est très mauvaise d'ici, là où je suis. Oui. Là, vous m'entendez? C'est un succès. Je peux continuer ou pas? Oui. Mais as-tu déjà ta Bible devant de toi? Vous avez des Bibles ouvertes? Oui, bien sûr. Pas ouverte, mais... Si vous le voulez très bien, à moins que nous prenions les questions dès le départ ou bien la question vers la fin, je suis là devant vous, je tente de les prier pour quel sujet pourrons voir, mais maintenant j'ai eu la réponse, donc on peut avancer dans la parole maintenant si vous le voulez, à moins que vous décidiez de poser les questions dès le départ. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, pour moi, moi j'ai, je sais pas, j'ai des petites questions, mais je sais que... Oui, j'ai des petites questions. Oui, comment la soeur Amiri, donc ça veut dire qu'elle savait que tu étais après avec les questions là, depuis que tu es debout là. Alors que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes et prions, comptons sur lui, d'accord? Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons encore, Seigneur, davantage te confier ce moment. Faites-toi ta promesse, Seigneur, que ce moment soit accompli. Nous te rendons grâce et nous te remercions pour tout ce que tu fais. Seigneur, conduis-nous maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Père de gloire, nous soyons encore davantage édifiés, nettoyés, orientés selon ta volonté. Merci, Père, d'être au contrôle. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Que ton seul nom soit maintenant. Merci, Père. Aide-nous, Seigneur, Père de gloire, nous rapprocher encore davantage de toi. Seigneur, nettoie nos cœurs. Nettoie-nous, Seigneur, nettoie nos vies. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie encore ton Saint-Nom, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Oriente-nous et instruis-nous. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, ô roi des rois. Seigneur, nos cœurs, que de gloire, a ton besoin de toi, nos vies, a ton besoin de toi, Seigneur, pour connaître ta volonté et à marcher, Seigneur. Marcher, Seigneur, toi, témoin de ta parole. Seigneur, viens nous orienter, ô roi des rois. Et encore nettoyer nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que, Seigneur, nous soyons dignes encore davantage, que de gloire, de porter ton nom. Ce nom merveilleux, ce nom glorieux que tu nous as donné. Ô Seigneur Jésus de Nazareth, merci de agir encore davantage. Utilise puissamment pour régler ton serviteur comme tu le fais, Seigneur d'habitude. Seigneur, afin que nous soyons édifiés encore davantage. Et de gloire, soumettons encore nos cœurs entre tes mains. Ta main puissante. Saint-Esprit, conduis nos vies, Seigneur. Manifeste, Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci mon frère. Amen. Merci de nous avoir menés dans la prière. Que Dieu te bénisse. Voilà. Il me sent vraiment à l'aise maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'entre dans la parole, je vous donne la quintessence du message ou bien on pose des questions. Vous posez des questions. Je crois que les questions seraient bien le temps d'attendre l'autre sœur, n'est-ce pas? Je suis à votre service. La première question se situe dans le spirit. Dans le livre. Oui. Oui. Chapitre dans le livre de Luc, Ma question était: quel est le sycomore? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comment? C'est un arbre. Tout simplement. Le frère Krabi, tu veux creuser dans les mystères des sycomores. Pourquoi celui-là, comment il s'appelle? Dans ce Luc chapitre 19, pourquoi le garçon, le monsieur de Zacharie va sur le sycomore, n'est-ce pas? Oui, le Zacharie. S'il était monté sur le goyavier, tu aurais posé la question que c'est quoi le goyavier, n'est-ce pas, frère? Mais pourquoi il monte sur le sycomore? Mais parce qu'il était court de taille, il fallait, la foule était là, s'il restait dans la foule, il ne pouvait pas voir, il est monté sur le sycomore pour voir de travers. C'est un peu comme par exemple les gens qui habitent dans des zones où il y a le stade, ils ne peuvent pas être au stade, ils montent dans des endroits plus hauts pour pouvoir voir en bas. Vous voyez cela? Ça veut dire que ne pas empêcher un obstacle, il ne faut pas empêcher quelque chose de se mettre entre toi et le Seigneur Jésus. Place-toi à la position. C'est ça qu'il en est, de quoi il en est. Et Dieu merci pour ce sycomore là ces jours, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mm-hmm. Il n'en dirait pas plus, mais le moment arrive, je parlerai de cela justement. D'accord. Ok. Question, le carnet de questions. Feuilleté des questions, feuilleté. Ma deuxième question se situe dans Marc chapitre 8, verset 38. Oui. Marc le chapitre Marc, 8. Verset 38. Oui. Marc, le chapitre 8, verset 38. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui, aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. » La question est, qu'est-ce que c'est avoir honte du Seigneur Jésus? Voilà, bonne question. Allons-y dans le livre dans ce cas pour répondre à cela, dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Vous savez, les événements nous arrivent. Il y a des gestes que nous posons au quotidien. On ne se rend pas compte qu'on en est d'accomplir les prophéties de la Bible. Il y a des gens qui, devant une assemblée, en plein milieu de la ville, au milieu de leurs amis, ils n'osent pas confesser, même quand les choses sont dites dans l'injustice, ils n'osent pas parler pour qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Ils ont honte de dire pour qu'on les fustige au nom du Seigneur Jésus. Par conséquent, ils n'aiment pas marcher, même ne serait-ce qu'avec la Bible. Vous voyez, il y a des gens qui, quand ils marchent, ils aimeraient cacher leur Bible. Mais pourtant, quand vous regardez, quand ils étaient dans le monde, il y a des magasins féminines pour le cadre de la femme. Des hommes qui marchent avec leur, vous appelez leur jogging, ils peuvent marcher avec leurs chaussures Nike pour se vanter, pour qu'on puisse voir ces Nike-là. Mais quand il est devenu chrétien, il n'aime pas marcher avec la Bible. Parce qu'il sait que s'il marche avec la Bible, on va le stigmatiser. On va dire, ah, lui-même fait partie de ceux-là. Par ce geste-là, justement, on déshonore le Seigneur sans s'en rendre compte, justement. Comment, et à plus forte raison lorsque on a peur de témoigner pour sa gloire afin que son nom soit élevé. Vous voyez? Et donc, par conséquent, on a peur de souffrir et exprimer sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Là, maintenant, on a honte de subir les épreuves au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on n'aime pas souffrir pour la cause du Seigneur. Comme par exemple, vous les femmes, puisque nous parlons de la Belgique dans la sainteté, il peut y avoir des milieux où vous entrez, vous savez que si vous entrez comme ça, on va dire, ah, vous êtes devenus les Alléluia. Vous dites, ok, maintenant, mieux, il faut que je me compromette. Le Seigneur dit que la foi est dans le cœur. La foi est dans le cœur. Mais la foi est manifestée par les œuvres, par exemple. Alors, il faut tenir ferme pour montrer aux gens que si la société vit dans la perversion, vous ne vivrez pas la perversion, même si on vous marginalise. Remarquez comment les musulmans sexuels font. Maintenant, ils marchent quand même carrément nus, en portant les t-shirts arc-en-ciel avec LG, quoi, LG, BG, ou c'est LG, LG, L quoi. En se vantant là-bas, leur jour de célébration, ils marchent, ils célèbrent, torse nu, en écrivant le message là-bas que aimez-nous, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se montrent devant les caméras, ils se montrent devant les caméras, ils n'ont pas honte de leur situation. Mais il y a des chrétiens qui ont honte de leur statut de chrétien. Et donc le Seigneur dit ici donc que si quelqu'un a honte de lui comme ça, de la même façon, il doit le rejeter devant la quand il sera de la confession lorsque les âmes se réuniront. Chapitre 10 de Matthieu. Merci vraiment pour cette question-là. En fait, cette question-là résout le problème de la timidité de notre foi en ce moment. C'est parce que dans l'Apocalypse chapitre 3, on parle de l'église timide au milieu de l'Odyssée. quand les gens qui sont tués, ils ne peuvent pas porter le témoignage quelque part, ils peuvent arriver quelque part. En fait, beaucoup se sont compromis au point où ils ne sont pas des modèles pour pouvoir aussi dire la vérité. Et par conséquent, leur conscience s'en juge et s'en accuse mutuellement. Et là, il ne peut pas dire qu'à quelqu'un, arrête de faire ceci parce que lui-même n'a pas arrêté de faire autre chose. Vous voyez? C'est pour cela que nous devons d'abord veiller à vivre nous-mêmes d'abord la parole et nous pourrons être des conseillers. En clair, le sel ou mieux encore, la lumière autour de nous pour reprendre cette lumière-là. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 10 donc de Matthieu. Vous y êtes? Mm-hmm. Lisons à partir du verset 24. Jusqu'au verset 39. Allons-y, mon cher frère. Le disciple n'ayant pas plus que... Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils sont appelés... S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous dites à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est bon? Jusqu'au verset 39. Ok, jusqu'au verset 39. Ne vendons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus beaucoup que des passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille, non, les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Oui. C'est verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Donc nous voyons que dans ces passages-là que nous avons lu, le Seigneur Jésus a mis le verset dont tu as parlé par rapport à la confession dans un contexte bien déterminé. Le Seigneur Jésus veut nous enseigner ici que dans notre situation de foi en lui, ça sera éprouvé et challengé par les événements de la vie, au point où on nous mettra devant des faits accomplis, devant des situations d'interrogation, dans les emplois, en famille ou tout autour de nous. Et là, donc, il commence à dire, ne les craignez donc point. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y aura une situation où on pourra peut-être nous traîner devant les tribunaux. Et là, notre confession pourra changer. Il dit, ce sera mieux pour nous, en fait, le Seigneur veut dire, ce sera mieux pour nous qu'on confesse son nom et on tient ferme, même si on doit tuer notre corps, même si il arrive qu'on perde la vie sur cette terre-ci. Il dit, ne craignez donc pas. Tout ce que quelqu'un peut faire, regardez par exemple le cas de l'apôtre Jacques. Si vous lisez le chapitre 12 des Actes des Apôtres, la Bible déclare que l'apôtre Jacques, Hérode avait fait tuer, vous voyez cela, il avait fait tuer Jacques, et voyant que cela avait plu aux Juifs, il a mis l'apôtre Pierre en prison, attendant que la fête passe, puis il va les livrer, il devait le tuer de la même façon, exécuté. Dieu permet certaines choses, il a permis qu'on lapide Étienne pour pouvoir faire la dispersion, pour que l'évangile puisse avancer. Mais dans cette situation-là, l'ennemi pense effectivement qu'il a la victoire. En fait, ce n'est pas la victoire, il signe au fur et à mesure des échelons à sa défaite qui a été obtenue à la croix. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que nous avons à faire? On a une réponse par rapport à la foi, par rapport à la confession que nous faisons de rapport au nom du Seigneur Jésus. Tous les apôtres du Seigneur, vous allez voir dans la Bible, dans le Nouveau Testament, après que Christ soit mort, y compris celui qui ne l'a pas vu physiquement, l'apôtre Paul, mais lors de la confession devant les gens, il va dire clairement, comme devant Festus, devant Félix, il va dire, quand il va donner sa confession, et le roi va dire, tu peux bientôt me persuader que je devienne chrétien comme toi. Il dit, fils, que ça soit ainsi. C'est la volonté de Dieu que ça soit ainsi, sauf cette chaîne-ci. Vous voyez, il s'est glorifié des chaînes. Mais même les personnes qui le persécutaient, qui les mettaient en prison, devant eux, ils témoignaient Christ, ils ne régnaient pas Christ. Vous voyez. Donc, ça veut dire que le Seigneur nous dit dans ce contexte-ci qu'en réalité, il y a des situations qui vont nous challenger et challenger notre foi au point où, si on ne fait pas attention, on va régner la foi, on va régner le Seigneur devant les œuvres. Alors, c'est la question de nous poser, c'est l'occasion de nous poser la question. Nous qui travaillons, est-ce que dans notre manière de vivre dans le travail, nous confessons Christ comme il se doit? Est-ce que si on nous pose une situation où ça challenge notre emploi, c'est-à-dire qu'on vous dit maintenant, vous, pour vous les femmes, que tant que vous habillez comme ça, vous n'aurez plus d'emploi, vous sortirez ici dès demain. Est-ce que vous êtes prêt à ne pas venir poser la question que frère Junior, dans mon lieu de service, on demande qu'on porte le pantalon, si on ne porte pas le pantalon, on doit partir. Est-ce que vous êtes prêt à dire, je m'habillerai comme ça, s'ils doivent m'enlever du travail, qu'ils m'enlèvent du travail, vous pouvez le faire. Parce que régner Jésus ne sait pas de dire, Seigneur, je ne te régnis pas, je ne te régnis pas. Quand vous vous posez cette question-là, sachant effectivement comment Dieu vous demande de vous habiller, vous allez chercher une situation de compromission. C'est que les autres, les évangéliques compromis disent, il faut chercher l'équilibre dans la parole. Il n'y a pas d'équilibre dans la parole. Dieu donne l'instruction, on suit. Il n'y a pas de besoin d'équilibre. Ce n'est pas nous qui apportons l'équilibre. Vous voyez cela? Donc, ça veut dire que par nos gestes, par les confrontations que nous avons tous les jours, nous pouvons nier le Seigneur sans s'en rendre compte. On n'a pas besoin de nous poser la question, est-ce que tu réunis Jésus? Est-ce que tu acceptes Jésus? Ça, dans la grande tribulation, ça sera cru comme ça. Les situations de la vie nous challengent par rapport à notre position, par rapport aux décisions qu'on a prises, par rapport à la parole de Dieu. Et là, vous allez voir si le foyer... Et là, il a dit clairement, la sœur Claudon, ça grésille chez toi, ça grésille chez toi. Désolé. Oui. Donc, vous allez voir effectivement, et ici, Jésus nous a dit, notre Seigneur a dit, à partir du verset 34, qu'il ne croyait pas qu'il soit venu pour apporter la paix, mais l'épée. Donc, oui, effectivement, que sa venue, donc, était un problème déjà. Parce que quand il est né, Siméon l'a porté de la main, il a dit qu'il est destiné à amener la chute de plusieurs et le relèvement. Vous voyez, à être le rocher de scandale. Donc, il va élever plusieurs pour d'autres, ça sera l'occasion de chute. Lorsque tu prononces le nom du Seigneur Jésus-Christ, n'importe où ça dérange. Tu peux dire Dieu, ça ne dérange personne. Mais à l'instant, tu vas dire Seigneur Jésus. Parce que c'est le nom qui dérange. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour cela que Dieu a très bien fait de cacher la vie éternelle en lui, afin que si on le régnait, on régnait la vie éternelle. Gloire soit rendue au Seigneur pour cela. Par conséquent, dans les familles, il dit clairement que c'est dans la maison que les gens auront le test d'abord. Chez vous, si vous croyez au Seigneur, ça va commencer, à dire, c'est sûr que tu es entré dans la secte. C'est sûr qu'on t'a fait le lavage des CO. Et même les religieux qui seront dans la maison, vous ne vous comportez pas comme eux. On va avancer et être taxé des sectes. Pourtant, ils se disent religieux. Ce n'est pas nouveau. Dans Jean chapitre 7, si vous le dites à partir du verset 1, même les propres frères de Jésus qui étaient des juifs disaient de lui que okay, si tu dis que tu es fils de Dieu, sors donc, va dehors. Les juifs vont te traiter, tu vas voir. On ne dit pas fils de Dieu étant à la maison. Vous voyez, on dit parce que ses propres frères ne croyaient pas en lui. Donc ça n'a pas commencé sur nous. C'est sur lui que ça a commencé. Vous voyez? Alors, le Seigneur a dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï en premier. C'est pour ça qu'il a dit ici là, que les disciples n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébuth, il vous en fera de même. Et par conséquent, le Seigneur a déjà subi les moqueries pour nous, subi les traces, et l'a tenu ferme devant par rapport à la mission qu'il avait à accomplir. Et par conséquent, nous, devant nos petites épreuves qui ne peuvent pas atteindre le cas de ce qu'il a subi, nous devons tenir ferme si nous le connaissons. Nous devons tenir ferme. Et surtout sachez que il ne garantit pas que dans au courant de l'épreuve, il va vous délivrer de là. Une épreuve peut vous amener au point où vous allez à perdre votre vie. Et il l'a dit ici, il a signifié ici. Il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ça veut dire qu'une épreuve peut être, il ne t'en délivre pas parce que c'est pour la glorification finale de son Saint-Nom. Comme il a fait pour Étienne, dans le cas d'Étienne. Comme il a fait pour l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il a dit que même s'il essaie de libation, le moment de mon départ est arrivé. Et là, on devait lui couper la tête. On lui a effectivement coupé la tête. Quand on a levé la machette ou bien la guillotine, quand on a lancé la guillotine, voilà, celle-là, elle est rentrée. Subitement, vous comprenez effectivement que là, c'est fort là maintenant. Vous entendez ses pas, n'est-ce pas? Elle fait son entrée là maintenant. Voilà. Donc, quand on guillotinait l'apôtre Paul, le Saint-Esprit n'a pas attrapé le couteau pour dire ah, non. Tu ne dois pas couper la tête de mon apôtre. C'était le moment. Bonsoir, la sœur reine de Bruxelles. Bonsoir à tout le monde. Ouais. Apparemment, tu es encore en train de marcher. Tu es encore dans la pleine cour, dans la cour. Là. Je suis encore dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Et comme je ne pouvais pas arrêter ça. Ouais. Et tu es en train de nous écouter là depuis. Hein? Non, je viens de prendre parce que j'ai juste eu le temps de me changer là. Je n'ai pas écouté depuis. Ok. Mais maintenant, tu vas emprunter le transport en commun. C'est pas grave, je vais couper le micro. Non, mais ok. Et là, on sera en train de te voir que mais on pourra nous voir sur ton écran en disant que mais cette femme, si elle est des Alléluia, qu'est-ce que tu vas faire puisque c'est le sujet dont on parle. Non. Il cherche d'abord quoi pour regarder dans mon téléphone. Et ici, dans le métro, là, on te dit, mais madame, pourquoi vous habillez comme ça? Il faut que vous sortiez ici. D'après, vous ne m'entrez plus ici. Qu'est-ce que tu feras? Sincèrement, je ne réponds pas à ce genre de questions. Je ne réponds pas. Donc, tu ne les gères pas, quoi? Je ne les regarde même pas. Ce n'est même pas mon problème. Et s'il y a un conseil de discipline maintenant, désormais, à l'hôpital, on te dit, madame, on a constaté que tu as changé. Tes lèvres ne sont plus rouges, tes yeux n'ont plus de foie comme d'habitude. Mes lèvres sont plus. Bon, c'est vrai que je suis jamais allée travailler maquillée. Hein. Ça, oui. Je ne l'ai jamais fait. Oui. Je me maquille. J'ai jamais fait ça. Je suis jamais allée travailler maquillée. Oui. Par principe, je ne le faisais pas déjà avant. Donc. Oui. Bon, si la réponse te confronte donc, devant la situation en disant que si tu t'habilles encore comme ça, tu mets tes pieds dans cette hôpital, tu feras quoi? Mais je suis habillée comment? Tout à l'heure, il y a un qui m'a dit que je suis habillée comme les gens de Matrice parce que je suis en noir et machin. Bon, bref. Je vais dire, en général, je m'habille en noir. Bon, je sais pas. Ils m'ont dit que je suis mal habillée, pourquoi? Hey, ici en Belgique, il y a plein de femmes machin. Hein. Donc, je suis même pas couverte là. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es prêt à fuir, à quitter même l'emploi s'il le faut pour le nom du Seigneur Jésus? Parce que c'est ça qu'on en est de voir, tu entends la scène là. Oui, maintenant ma réponse c'est oui. Ma réponse maintenant c'est oui. Il y a 6 mois c'était non. Oui. Maintenant c'est oui. Mais explique-nous ce changement radical. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est clair, quand ça te prend. Ha, maman. On dirait qu'on t'a attaché. On a serré un truc. Mais c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est inexplicable. Eh bien, donc, ça veut dire que ceux qui disent qu'on a lavé le cerveau, là, vrai, on t'a lavé le cerveau alors. Qui t'a lavé le cerveau alors? Ma famille croit que je suis folle. Hein, ma mère m'a dit ta vie, tu as raté ta vie. Mon frère m'a dit il y a un boulon qu'il faut. Déjà il fallait qu'on règle un boulon dans ma tête, mais ils m'ont dit qu'il y a un boulon qu'il faut qu'on règle encore. Mon frère il m'a sorti, il m'a dit tu as lu tous les livres de la médecine, ça t'a dépassé, maintenant c'est la Bible que tu veux étudier. Donc de toute façon on va être traité de tout. Je suis à folle. Mes amis, ils ne savent pas encore. Il y a une qui m'a dit, bon, l'autre, je vais m'appeler Pastor. Je lui ai dit, arrête de m'appeler comme ça. Oui. Mes amis ne savent pas encore parce que déjà, là-bas, je suis quelqu'un de... Je reste trop dans mon coin, non? Je n'ai pas encore l'approche... Je n'ai pas encore le courage. À part ceux qui sont peut-être autour de moi. Oui. Que de temps en temps, il y a un peu des clashs. Oui. Parce qu'on dit, tantôt, je m'habille déjà comme une juive. Tantôt, je critique. Tantôt, je juge. Tantôt, je... Bon, bref. Alors maintenant, quand l'autre jour, je racontais au frère ma nouvelle bailleresse. Oui. C'est une amie, elle travaille dans le même hôpital que moi. Elle me dit, je te demande un avis, cet habit-ci, il est comment? Je la regarde comme ça. Je lui dis, ta robe, elle est courte. Tu vas à un mariage, je n'étais pas obligée de t'habiller comme ça. Elle me regarde comme ça. Elle m'a tenue pendant 1 heure de temps. Oui, mais je ne te comprends pas. Toi, tu penses que tu as la vérité. Tu crois que quand on devient chrétien, c'est critiquer. Et tu as demandé mon avis. Je t'ai donné mon avis. Ça devient un problème. Ah, elle m'a sorti le verset de la Bible. Moi, je la regardais comme ça. Je lui ai dit, écoute, je suis fatiguée. Demain, je travaille, je veux dormir. Mmh. Elle ne m'a pas laissé. Elle m'a passé le savon, me laver, me rincer. Je la regardais comme ça. Je lui ai dit, oh là là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait croire que quand tu t'habilles en mini-jupe, machin, tu es belle. Tu as une longue qui est, tu as une robe qui est longue, mais la, longue qui est, la robe qui est longue. Non, mais je ne suis pas une mère. De toutes les façons, si toi, tu n'as plus rien à faire de la vie, moi j'ai encore beaucoup à prouver dans la vie. Je lui ai dit, ok. Elle a prouvé dans la vie que sa cuisse est encore jeune, quoi. Elle a dit, elle est jeune. Si moi, je suis entrée à l'église, ça m'a fait quoi dans... Elle me dit, vous, non, ce qu'elle m'a sorti, elle m'a dit, la Bible, tu ne sais même pas d'abord qui écrit ça. C'est des hommes masochistes, machin, qui en ont rien à faire de la femme. Qui, je la regardais comme ça, je disais, mais j'étais comme toi. Est-ce qu'il y a une femme qui pouvait parler mieux que moi, là, sur terre? J'ai dit avant. Alors, la soeur, le frère de la Bible, vous vous souvenez de ces soirées, là, n'est-ce pas, en Belgique? Exactement. Ah oui, on a passé du bon. Maintenant, vous voyant tout ce qu'elle a posé comme problème ce soir-là, et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? C'est deux personnes différentes là. Deux personnes différentes. C'est moi-même, je ne sais pas. On a déréglé son boulot. En fait, je ne l'ai pas reconnu le jour qu'on partait à son baptême. Oui. Tellement elle était en joie, quoi. Puisque la dernière fois, c'était en Amérique. Oui. Ensemble, ça va avec toi. Oui. Et la deuxième fois qu'on va se revoir, c'est dans une ville. Oui. Mais pour le baptême. Oui. Et quand j'ai vu la soeur, elle dit, mais d'en haut jusqu'en bas. Oui. Changé. C'était changé. Ah. Mais c'est vrai que c'est quand même chaud. Hein. C'est chaud parce que tu t'es dit, mais c'est... Au final, ça ne te dit plus rien. Ce que j'ai encore, je ne sais pas, c'est peut-être un problème, c'est que quand je travaille, je n'arrive pas à mettre le foulard, parce que ça aussi, c'est difficile de mettre le foulard quand tu travailles. Mais quand moi, je fais mes trucs comme ça, je sors, ça, je le mets. Je n'ai même pas de problème à le mettre. C'est vraiment au travail que c'est difficile à le mettre. Je ne le mets pas comme ça. Quand je sors, peut-être aussi, je dois prier. Oui, j'aime mon truc dans le sac, je le mets. Comme là, maintenant, je l'ai mis. Comme je savais que j'allais... Mais côté habillement, le jour où j'ai suivi l'enseignement sur l'habillement, je regardais ma penderie, j'écoutais. Après, je dis, Seigneur, oh, j'ai pas l'argent. Ah, je crois qu'elle va aller maintenant enlever tous les habits là. Demain, elle m'habille comment pour aller travailler? Ah. J'ai d'abord dit, viens d'abord porter au pantalon là. Je portais au pantalon, je marchais, je me regardais comme ça. Je dis, est-ce que j'ai un ok même long jusqu'en bas là pour que je couvre un peu? Mon Dieu, j'avais honte. C'est comme si on avait mis une caméra braquée sur moi qui me regardait quand je marchais. Je dis, mais c'est pas possible. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'observait, pourtant je suis seule. Et je regardais les gens dans le métro comme ça. Je regarde, je dis, celle-là, elle est habillée comment? Est-ce que je regarde ses yeux? C'est là où je regardais encore bien les gens maquillés. Je dis, mais c'est vrai, c'est même bizarre quand tu regardes. Oui. Mais bon. C'est courage. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas. Quand le voile est ôté, quand les cœurs, tu ne peux pas l'expliquer. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mais c'est ça, tu ne peux pas l'expliquer. Parce que maintenant, je fais vraiment des efforts de mettre une jupe qui est juste qui dépasse juste le genou. Oui. Qui dépasse. Oui. J'essaie de mettre le haut parce que moi, comme je suis un peu au télé, quand je mets même parfois des jupes, on voit quand même toujours. Mais j'essaie de mettre, même si c'est le manteau qui est un peu plus long. Là maintenant, avant je n'achetais pas les manteaux longs. Oui. Mais maintenant, je vais au marché, je cherche le manteau qui est long. Mais là, je pose donc la question, qu'est-ce qui te prenait la première fois? Comment tu ne parles même pas avoir, avant d'avoir écouté l'évangile, qu'est-ce qui te prenait dans les habillements? Pourquoi ces choix-là? Le problème, c'est que à la base, je suis quelqu'un de pudique, hein, sincèrement. Quand je mettais peut-être le pantalon, c'était que pour moi, c'était plus simple. Parce que si je mettais certaines jupes, ou bien peut-être des jupes un peu plus grandes, j'avais comme impression de tout montrer, en fait. Et ça me dérangeait. Ce qui fait que moi, je me disais que le pantalon, c'était plus facile, tu vois. Mais au contraire, je ne savais pas que je ne faisais pas bien. Mais là, maintenant, quand je regarde, je dis peut-être niveau genre côté maquillage et tout, je trouve que ça, c'est trop vrai parce qu'on souffre. Je mettais même ça, ma peau n'acceptait pas, ça m'abîmait la peau, mais je mettais toujours. Aujourd'hui, j'ai encore les séquelles des boucles parce que quand je mettais, ça pourrissait mes oreilles. Mais on force. Ça sert à quoi? Tu forces quelque chose qui ne te veut même pas. Donc, la logique même, c'est pas la logique, quoi. C'est juste... Et bon, mais bon... En tout cas, quand Dieu te parle, qu'il te parle. Ouais. Blague même pas. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. De toute façon, pendant que tu fais ton service, il n'y a pas de verset qui dit que lorsqu'on injecte, il faut attacher le foulard. On a dit lorsque tu pries ou que tu prophétises. Donc, il n'y a pas les versets pour le foulard quand on injecte, d'accord? Oui, mais ce qui est là, c'est que quoi, maintenant, j'essaie de. Parce qu'avant, on dit toujours, tu fais tout par toi-même. Tu essaies toujours de réfléchir par toi-même. Donc, quand tu fais même un truc, tu dis, ah, mais je suis fort. Mais non, pourtant, tu n'es pas fort, tu n'as rien. Donc, ce qui fait que quand maintenant je sors, si je peux faire ma prière de 5 minutes, je dis, Seigneur, dirige ma main, que ce soit n'importe quelle passion, ou bien même mes pensées. Tu vois, je vais faire un autre témoignage. Oui. Quelques jours après que je sois venue à Namur, déjà même avant ça, j'étais quelqu'un que je ne dormais pas. Je disais même ça au frère l'autre jour, je ne dormais pas beaucoup et je ne mangeais pas. J'avais vraiment pas d'appétit. Quand je voyais la nourriture, j'avais l'estomac plat. Et je ne dormais pas parce que je réfléchissais. Je pouvais travailler toute la journée, même 2 jours. Je me couche, je suis épuisée, mais je ne dors pas. Mon cerveau, il est où? Il est en train de réfléchir là-bas. Mais sur des trucs même qui n'ont même pas de sens. Mais depuis, je dors et je mange. Ma mère m'a dit, tu es devenu le porc. Je mange comme moi-même, j'aime un peu. J'ai l'appétit, j'ai une certaine appétit que je ne comprends plus. Je mange mes repas 3 fois par jour. Je mange et bien. Pourtant, Tu es je pouvais passer toute une journée. Tu es devenu un médecin normal qui Voilà. conseille et fait ce que tu te conseilles. Mais oui, je ne mangeais pas. Et la deuxième chose, c'est que parce que moi, je viens d'arriver en Belgique, j'ai commencé ici. Et c'était les urgences, c'était difficile parce qu'à la base, je voulais faire la pédiatrie parce que j'ai beaucoup travaillé en néonatologie. Et c'est ça que je voulais faire. Mais malheureusement, bon, Dieu sait comment je fais ces choses maintenant que je sais ça. Je suis arrivée en Belgique, on m'a pris plutôt aux urgences pour que je fasse ma formation. Donc, ce qui fait que c'était très difficile. Tout ce que je faisais, ça n'allait pas. On me critiquait. Ah oui, machin. Déjà que je n'ai pas fait mes études en Belgique. Donc, ce qui fait que retomber en français, c'est un peu difficile. Connaître les médicaments, tout ça, c'est difficile. Donc, il faut que tu cogites encore, que tu réfléchisses, que tu remettes tout en ordre. Bon, oui, ça te prend un certain temps pour t'adapter. Mais comme je n'étais pas, dans ma tête, je n'étais pas bien, je n'étais vraiment pas bien. Et chaque fois, je faisais, c'est comme si je faisais des efforts, mais personne ne voyait les efforts. Quelques jours après que je sois rentrée de Namur, même si je ne l'avais pas toujours cru à cet instant-là, j'arrive au travail et il y a d'abord une femme qui vient, elle est bizarre. Elle a une douleur bizarre au niveau du ventre, tatouée juste là. Je la regarde, j'avais la chair de poule. Je dis, mais de ce que le frère a dit dans cette cas, c'est bizarre, c'est vrai. Je regarde derrière le dos, elle a un dragon tatoué. Je dis, mais attends, c'est la délivrance, je vais faire ici aujourd'hui. Non, mais la femme, elle ne doit pas me suivre. Elle ne doit pas me suivre. Je reste comme ça, je regarde la femme. Je la regarde comme ça. Je mets la main sur son ventre, elle veut vomir. J'enlève, elle vomit pas. Je mets la main. Non. Et là, tu priais seulement ou bien tu faisais les touches pathologiques pour pouvoir diagnostiquer. Je ne faisais rien. Je ne faisais rien. Parce que je t'ai dit que dans ma tête, je ne dormais pas en cette période-là. Je voulais encore comprendre à quel niveau je suis. Est-ce que ce ne sont pas les démons que je suis allée chercher à la nuit? Est-ce que... Donc, j'essayais de comprendre où je suis. Donc, ce qui fait que quand je suis encore... Je touche son ventre, elle veut vomir. J'avais un étudiant qui était avec moi pour que je lui explique un peu. Il me regarde comme ça. Il me dit, bah, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai pas appelé ma chef, j'ai dit que moi je ne comprends pas. J'ai toutes ces patientes, elle fait un truc que je ne comprends pas. Je dis à ma chef, viens un peu toucher son ventre. Elle vient toucher son ventre, elle ne fait pas le même geste. J'ai dit que bon, peut-être c'est vrai que je lui ai donné un truc, mais c'était très bizarre. Je n'ai pas pu me contenir. Je suis sortie de la salle, je m'en vais dans les toilettes, je me mets à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je dis à Dieu que franchement, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Je vais essayer de travailler. Déjà ici, c'est chaud. C'est chaud parce Tu as dit à Dieu que laisse-moi travailler tranquillement ici. Oui, j'ai dit que pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais il faut que je dois travailler. La journée, la matinée, elle avait commencé très très mal. Mais quand je sors des toilettes, je rencontre une autre de mes chefs qui me regarde. Elle me dit, Sandrine, je suis très fière de toi. Ben, je dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je la regarde, je dis, celle qui me critique tous les jours ici, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, franchement, tu travailles super bien. Je la regarde comme ça. Je dis, c'est une blague. Je dis, c'est une blague. Je dis que mais, Dieu a écouté mes prières. C'est quoi? Je la regarde, je dis, ben, depuis ce matin, je ne sais même pas, je n'ai pas encore vu 2 patients. Elle me dit, non. Je dis, quand tu es arrivé, tu avais un peu de problème. Mais je n'avais pas changé depuis. Ça faisait quoi? Ça faisait 1 semaine qu'elle m'avait critiqué. En 2 jours, elle me dit, je travaille bien. Elle est fière de moi. Elle me dit, continue comme ça, de toutes les façons. Franchement, donc, il ne fallait pas. J'avais besoin de ça. C'est comme si, là, j'ai fondu en larmes. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit, non, mais c'est vrai ce que je te dis. Hein. Franchement, tu es une fille, tu es top, quoi. Oh là là! Tu n'en revenais Franchement, pas, je suis quoi. sortie. J'ai dit, si ce n'est pas Dieu qui fait ce genre de choses, c'est qui? Quelqu'un qui a toujours passé le temps à te traumatiser. C'est quand je voyais la femme, là, je pourrais même me cacher. Oui. J'arrive un matin comme ça, où je crois que ma vie est au bout. Elle me sort comme quoi. Et cette journée-là, après, c'est fini, je suis rentrée. C'est comme si on avait ôté un poids, tu vois. Oui. J'étais apaisée. C'est là où j'ai même commencé à prier. J'ai dit que franchement, ah non, non. Déjà, ma soeur, mais là, c'est, puisque c'est la première fois qu'on en parle, quand nous étions en Belgique, mon épouse et moi, et puis que tu es venu ce soir-là avec les frères ici réunis, à l'exception de la soeur amie et la soeur, et je crois que la soeur Clodon n'y était pas encore. Quelle était l'impression que tu avais lorsque nous parlions, partageons de ce Seigneur dans cette simplicité-là et cette complexité justement de l'explication de la parole? En fait, tout ce que tu me racontais, c'était du charabia. On est d'accord que... Tu me souviens seulement à bout, quoi. Déjà, quand je suis arrivée, l'atmosphère était bizarre. J'arrive, je cherche même d'abord le pasteur, je le vois même pas. Bon, je dis, ok, c'est très bien. Je vois les gens qui changent, je dis, bon, le pasteur ici, j'essaie de repérer le pasteur. De toutes les manières possibles, je repérais. Après, je dis, peut-être c'est Joseph que j'ai eu au téléphone qui est le pasteur. Je vois Joseph un petit peu aussi un peu bizarre. Je regarde, je dis, c'est quoi ce milieu? Je regarde toutes les femmes, elles sont un peu bizarres. Je dis, ok, bon, ok. Je m'assois, j'ai fait que... Mais je vous observais. Pour moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce milieu. Je croyais que j'allais trouver des gens. Voilà. Et ben, tu vois, dans le milieu, tu arrives, chacun à sa place, quoi. Chacun est... Il y a une distinction. Chacun à sa place, le pasteur à sa place, son épouse est là avec... Les fidèles sont à côté, peut-être autour, même peut-être le pasteur est au milieu. Je connais pas trop. Voilà. Moi, je m'attendais. Je croyais que j'allais distinguer vite la personne que je venais voir. Et je me disais que quand j'allais arriver, j'allais m'asseoir, j'allais dire bonjour, pasteur, voilà, machin, je suis venu comme ça. Ça allait faire 5 minutes. Et après, j'allais aller prendre mon train, rentrer chez moi. Mais à ma grande surprise, j'arrive, les gens chantent, ils veulent même pas se lever. Je vois même que c'est quoi cette affaire-là. Après, on dit salut, vous embrassez, vous jouez. Alors, on dirait que moi, je suis un peu assez réticente, saluer les gens, tendre les mains. Puis on dit embrassez, vous êtes des frères et sœurs. Ah, c'est quoi cette affaire? Mais c'était assez bizarre. Hein. C'était... Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne m'attendais à tout sauf à ça. Je me disais même que peut-être vous êtes même les gens, vous êtes quitté du Cameroun pour venir ici. Donc, peut-être, ça sera... Donc, c'était vraiment, tu vois, le genre de quelqu'un qui a l'air important, tu vois. C'était ça, en fait. Et qui est venu, en même temps, pour moi, vous n'êtes pas venu pour prier pour les gens. Pour moi, vous êtes même venu faire du tourisme. Donc, je ne savais pas. Je ne sais pas. Voilà. Parce que si tu demandes, même à Grace, quand je lui envoie le message, parce que je me disais que j'étais en retard, peut-être je coinçais un de vos programmes. Tu me dis, non, nous sommes là. Je dis, c'est quoi cette affaire? On est là. Ils ne sortent pas, ils ne font rien. Pour moi, c'était ça. Et j'arrive, vous me sortez les trucs, la Bible, vous me parlez, Joseph qui me parle de ses témoignages, il s'est enlevé la tête et je lui ai dit, de toutes les façons, ça n'existe même pas. Tout ce que tu me racontes là, ça n'existe pas. Et quand il m'a parlé du baptême, je lui ai dit, moi, jamais de la vie, je vais mettre mon pied dans cette eau-là, ça ne va pas. Et c'est la folie. Pourtant, après, je l'ai cherché à la torche pour le baptême. Non, mais c'était... C'est surtout quand je suis rentrée que j'ai beaucoup paniqué. Beaucoup paniqué parce que je ne suis jamais arrivée à aller dans ce milieu. De temps en temps, j'allais à l'église catholique. Mais j'ai beaucoup paniqué parce que, de un, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que je me suis retrouvée là-bas. Je pouvais bien ne pas venir. Parce que quand Yacinthe m'a dit, va à Nanu, il m'a donné le numéro, je pouvais vraiment ne pas venir. Parce que ce jour-là, je travaillais. Il a bien plu sur moi ce jour-là. J'avais tellement froid, j'ai dû rentrer chez moi, me changer, mettre un pull un peu plus long pour venir. Donc, je pouvais arriver chez moi. Je suis arrivée chez moi, j'ai déposé mon... Et surtout, que j'étais foirée comme jamais. J'avais 15 euros dans mon compte. Et c'était mon devant derrière. Et je me rappelle bien de cette date-là. On était le 19 mai. Oui. Donc, moitié du mois. 15 euros mon devant derrière. Je suis arrivée à la gare. Je ne connaissais même pas le prix du billet. Il y avait une fille que j'hébergeais chez moi. Comme j'avais 15 euros, je lui ai dit, donne-moi 15 euros, en plus, je vais te rembourser. Elle m'a dit, tu vas, j'ai dit, va un ami. Je lui ai dit, tu connais, c'est quoi le ticket? Elle me dit, c'est vendredi. Elle m'a pas parlé du ticket, machin, du ticket week-end. Elle m'a dit, parfois le vendredi, c'est un peu moins cher, mais peut-être c'est 10 euros. Je lui donne moi 15 euros. Elle m'a donné 15 euros. Quand j'arrive à la gare, on me dit le ticket c'est 10 euros machin. Je dis bon, je finis ça. De toute façon, si j'arrive là-bas, je cale, il n'y a pas de problème. J'aurais pu vraiment le papati. Donc, non seulement j'étais foirée, j'arrive, je vois des gens, ils me racontent leur vie. Et je rentre chez moi. Non seulement on fait tout le tralala. On me dit que je suis délivrée, je rentre chez moi, je dis mais c'est... En plus, ça, moi, en plus, tu dors chez les inconnus et les gens que tu ne connais jamais vus. Je dors chez les inconnus et dans quelles conditions je dors? Parce que moi, je suis un peu difficile. Hein. Ouais. Franchement, je suis un peu difficile. Parce que déjà, je ne dors pas chez... Je ne vais même pas chez les gens. C'est quelque chose que... Je ne vais même pas... D'habitude, je ne vais pas chez les gens. Et même, je suis allée chez les gens, on est venu avec la nourriture, j'ai mangé, ce que je ne fais même pas. J'arrive pas chez les gens et je mange. Non, ça n'est vraiment, ça fait pas partie de mes trucs que je faisais. Et quand je suis rentrée, j'étais troublée. J'ai fait peut-être 2 semaines, je ne dormais pas. J'étais vraiment mal. Mal parce que j'étais... Pendant les 2 semaines, après, c'est passé. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je suis rentrée, j'étais en panique parce que je disais, qu'est-ce qui m'a poussée à aller là-bas? Personne ne m'a forcée à y aller. Et je pars dans un truc que je ne connais même pas. Des gens que je ne connais même pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien même que je ne croyais pas à l'existence des démons. Après, je me suis dit, peut-être, alors c'est là où même on a même mis les choses sur moi là-bas. La fille qui était chez moi, tellement j'avais peur que je l'appelle. Je lui dis, viens, j'étais à Namur. Elle me dit, tu allais faire quoi à Namur? Je lui explique. Je dis que ces gens-là, ils priaient un genre. Elle me regarde comme ça, elle me dit, dans le Nilan, donc, ici avec ton jeu. Tu es parti, fais quoi là-bas? Je lui dis, moi-même, la curiosité, moi aussi, mais tu non. Je me dis, je suis parti là-bas par curiosité, je voulais voir. Et quand je suis arrivée, on m'a dit que non, on peut te délivrer, on va te délivrer. Moi, j'étais aussi curieuse de voir c'est quoi. Et pire encore, je n'étais pas tombée. Ah là là. Je n'étais pas tombée. Je suis restée comme ça. Le jour où tu faisais ça, peut-être tu as même lu dans mes pensées. Si tu veux savoir, tu peux dire qui me traversait dans la tête. Je me dis, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire? Qui me prend même qui pour une bête, quoi? Pire encore, je ne suis pas tombée. Je dis que, et tu vois, on fait même souvent les délivrances et les gens tombent. Moi, j'étais debout comme ça, je les regardais. Elle me dit, et tu faisais quoi? Je dis, on me disait, dis ça, je disais aussi, non, tu veux que je fasse quoi? Et je m'en vais sur. J'ai retenu Bambaïba, je ne l'avais pas noté, mais j'ai retenu. J'ai donc même donné le nom d'un site là. Elle me dit, c'est toi, moi je ne regarde pas, va regarder. Je m'en vais, je tombe sur la vidéo où Georges Nama te descend. Je dis, ça c'est la meilleure. Voilà. Je dis, ça c'est la meilleure. J'avais la confirmation que non, tu es un sorcier. Les démons, j'ai ramassé ça en vrai. J'ai dit, voilà, je n'arrive même plus à dormir. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive au travail, je n'étais pas tranquille. Je rentre encore, je dis que non, je ne peux pas laisser la faire, c'est comme ça. Il m'a demandé d'écouter telle chose, je m'en vais écouter. Quand j'ai commencé à écouter les enseignements, c'est où je suis calée. Je suis calée de chez calée. Jusqu'à aujourd'hui, je dors avec ça, je me réveille avec ça. Dans le train, je mets. Donc, je suis calée. J'ai dit, curieusement, ce que tu disais, c'est choquant, c'est fort parce que. C'est pas, on passe par 4 chemins. Mais ça te fait quelque chose. Ça te fait quelque chose parce que tu regardes, tu dis, mais en fait, c'est même vrai. Je t'assure, je ne vérifiais pas dans la Bible parce que moi, je ne voulais même pas lire la Bible. Je ne vérifiais pas dans la Bible. Et je disais, mais c'est vrai, mais sur quelle base je me dis même c'est vrai, je ne vérifie même pas. À un moment, j'ai dit, bon, je vais vérifier quand même si c'est écrit. Je prenais, je dis. Je dis, non, mais c'est vrai. Mais est-ce que ce n'est pas sa manière d'expliquer? Tu vois, tu cherches toujours à raisonner. Tu cherches toujours à raisonner pour voir si ce n'est. Tu regardes, est-ce que à tel endroit, cette phrase-ci, ça veut dire vraiment ça? Après, tu dis, non, il a raison. Franchement, il faut avouer. Quand quelqu'un a raison, il faut dire qu'il a raison. Il faut avouer. C'est là où tu te sens. Il y a comme quelque chose qui fait en sorte que tu te sens tout petit. Donc tu te sens tout petit parce que tu dis, mince, tu as vraiment lu tous les livres de la médecine. Mais il y a des mots que toi-même tu dis ça. Tu dis, comment toi-même tu fais? Tu peux lire la Bible et tu ne comprends pas ça comme ça. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer en fait. Je ne sais pas. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que c'est parti. Hein. C'est comme ça que c'est parti. J'écoutais. Et je disais, ok. Ce que je n'ai pas encore fait, j'avoue. Je n'ai pas encore jeté le trousseau de maquillage parce que ça m'avait coûté cher. J'ai peut-être au moins 800 euros dans l'affaire là. Oui. Courage. Le moment où je regarde comme ça, que je n'ai même pas étudié, quand je regarde comme ça, je dis ah, tout ça là, je mettais le fond de teint, ça me donnait le bouton, mais j'étais derrière. Oui. Ah, et en plus, tu es peinture, la peinture, tu ne veux même pas, quand il fait chaud, tu ne veux même pas t'essuyer, comme ça, ça quitte, ça reste. Donc, tout ça, je suis restée, j'ai dit, il faut avouer. J'ai seulement dit Dieu, pardon, excuse-moi. Je sais. 800 euros comme ça d'objets de séduction pour gâter même ton propre corps. Oui. Parce que moi, j'achetais des trucs de marque. Hein. Je n'allais pas chez le bon marché. Un rouge à lèvres, c'est au moins 25 euros. Quand tu vas chez Max, c'est 25 euros. Oui. Et j'avais peut-être comme ça 10 rouges à lèvres. Oui. Sans compter les fonds de teint et machin. Le premier jour où j'ai mis mes pieds chez Max, j'ai dépensé près de 400 euros pour le maquillage. Là, direct. Hein. Je ne suis pas en train de rigoler. Oui. Donc, je regarde ça comme ça, je dis, Seigneur, je donne à qui? Je ne peux pas donner. Oui. L'autre jour, j'ai ramassé les chaussures. Des chaussures que je n'avais jamais portées, des talons, des pantalons même que je n'avais jamais portés. Parce que moi, je n'avais pas de jupe, hein. Je ne mettais que des pantalons. Je n'avais pas de jupe. Sexy, maman. J'ai ramassé, je suis allée mettre à la poubelle. Courage. Mais j'ai dit, ton témoignage est vraiment bizarre. Tu es seul dans ton coin avec les enseignements, avec la Bible. Ça te fracasse dans tous les sens. Mais pourquoi tu n'as pas tout simplement mis tout ce que tu as vu de côté en ayant vu la vidéo de dénonciation à mon sujet? Jésus-Christ télévision, c'est des soucis des juniors et à cause de. Mais c'est ce que je suis en train de dire que je ne sais pas. Je n'arrive pas à expliquer. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Parce que tu écoutes. Déjà, quand tu écoutes une femme, peut-être qui aime vraiment les trucs, tu écoutes déjà l'enseignement sur l'habillement de la femme. Tu te dis, celui-là, il est fou. C'est la folie. Mais, je t'assure, j'étais assise. Le jour-là, je travaillais. Je commençais à 13h. J'étais assise dans mon lit. Et ma penderie était là, comme ça. J'avais le truc devant moi, j'écoutais. Je me retourne, je regarde la penderie. Je me lève, je regarde les pantalons. Je me dis, mais c'est pas vrai. Je regarde, je m'en vais dans la salle de bain, les strings, tout ça là. Je regarde comme ça, je dis, mais c'est pas vrai. Je dis, maintenant, je fais comment pour aller travailler? Je fais comment pour aller travailler? Je n'ai pas de jupe. Je n'avais pas de jupe. Je ne mettais que les pantalons jeans. Parce que pour moi, c'était simple, vite fait. Tu es habillée, vite fait, tu sors. Je dis, mais je fais comment pour aller travailler? Bon, je regarde, j'avais un long haut là. Mais je me suis habillée peut-être pendant un moment, parce que je n'avais pas l'argent pour aller directement acheter. Pendant un moment, avec presque les mêmes habits, parce que pour moi, c'était le plus décent que j'avais. C'était celui le plus décent que j'avais. Oui. Et même les chaussures, je ne portais pas, parce que j'avais peut-être deux chaussures, tennis, machin, je mettais. Et j'allais travailler comme ça. Maintenant, j'ai dit, ok, mes cheveux... C'est la teinture, qu'est-ce que je fais? Je ne vais plus couper parce que moi, les cheveux courts, ça m'arrangeait parce que c'est simple. Donc, j'ai dit, mes cheveux ont la teinture et c'est coupé, qu'est-ce que je fais? Si je m'en vais mettre une autre teinture noire pour camoufler, c'est toujours la teinture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais peigner mes cheveux. Je ne tresse pas, de toute façon, je n'aime pas me tresser. Je vais peigner mes cheveux le jour la teinture. Je vais laver chaque jour la teinture, ça va partir, ça part. Si ça ne veut pas partir, bon, ça va rester comme ça. J'ai dit à Dieu que pardon, l'autre n'a pas me pardonner. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que je ne peux pas t'expliquer ce qui fait en sorte que tu t'accroches à ça. Je ne sais pas. Je te dis, franchement, Dieu est témoin. Les enseignements, j'écoutais et je dormais avec. Et parfois, je ne dormais pas parce que ça me traumatisait. Ça me traumatisait, et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Il y avait personne derrière toi pour te dire écoute ceci. Mais c'est ça. Tu le faisais de façon libre là. Mais je le faisais comme ça. Je le faisais comme ça parce que je ne savais même pas sur quoi j'allais tomber. Je regarde le titre, je ne sais même pas ce quoi ça veut dire. Je tombe aussi sur ça, j'écoute. Parfois même par hasard comme ça, je lis la Bible, je ne comprends pas un truc. J'ai commencé un enseignement, je mets pause. Tellement je suis fatiguée, parfois je m'endors le matin. Je me lève, je dis bon, on continue. Dès que je mets l'enseignement là, ça parle de ce que je disais que je ne comprenais pas. Du coup, j'ai le sourire, je dis waouh. Du coup, j'ai le sourire, je dis que bon, ça je vais comprendre. J'écoute. Quand ça me dépasse encore, je dis mince, encore là, je n'ai rien compris. Mais Et c'est comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai déjà écouté, je ne sais pas. Je crois que j'ai même déjà écouté plus de 300, plus de 400. Et là maintenant, tu as entrepris de lire la Bible du Nouveau Testament. Quand tu as lu maintenant, quelle était ta pensée? Comment ça s'est passé avec la Bible? Oui, je suis là, je suis en train. Ce matin, j'ai fini avec. J'ai fini avec Ruth. Voilà. Oui. J'ai fini avec Ruth ce matin. Et. Le Nouveau Testament est difficile aussi. Je ne comprends pas beaucoup de choses là-dedans. Ce qui me, au départ, quand j'ai commencé avec l'Ancien Testament, là, je suis en train de lire l'Ancien. Et ça, c'est difficile. Le Nouveau, j'avais commencé. Je ne comprenais pas beaucoup. J'avoue que je ne comprenais pas grand-chose. Mais il y a Grâce qui était là, je la questionnais souvent. Tu l'as traumatisé avec les Christians ici à côté de moi. Mon Dieu, quand tu es décidé, quand Dieu a décidé avec toi, vrai, c'est les problèmes. Et donc, je lui posais des questions, elle me répondait. Bon, il y avait des questions, parfois même, j'avoue qu'il y avait des trucs que je laissais, je ne lui posais pas. Je voulais, voici dans les enseignements, c'est là, et machin. Et c'était difficile, difficile parce que, quelque part, tu es un peu frustré. Parce que tu veux raisonner. Tu cherches à raisonner. Tu te dis, tu veux comprendre. Il y a un moment, je partais me chercher sur le dictionnaire. Ça ne t'aide pas. Vraiment, ça ne t'aide pas. Tu veux faire ci, ça ne t'aide pas. Bon, je lis, je dis, bon, ok. Je vais me forcer à aller de l'avant. Je lisais, même je ne comprenais pas. Quand je suis arrivée dans Hébreu, j'ai écrit à Grace, j'ai dit, au secours, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Apocalypse, c'était la mort. On dirait qu'on m'avait tué. J'ai dit, mais c'est pas. Pourquoi, au moins que je dise un truc, on te dit, une femme, elle est assise, elle a les cornes, elle a machin. Qu'est-ce que ça a à voir, c'est que je dois savoir de la Bible? Et quand par hasard je tombe sur l'enlèvement, c'est là où j'écoute, je vois les yeux comme ça. Je dis, mon Dieu, c'est vrai tout ça? C'est là où j'étais dépassée. J'étais. Non, je crois que le jour où j'ai écouté cet enseignement-là, j'étais. Cet enseignement, l'enlèvement est grande tribulation qui fait 2 heures, 5 heures et 9 heures là, dans le total, ou bien? Ben, c'est une chose, parce qu'au départ, quand j'écoutais l'enseignement, je disais 2 heures de temps. Qui va écouter ça? Jamais de la vie. Maintenant, quand ça fait 2 heures pour moi, c'est même très court. Voilà. Ça finit même, je dis, hey, c'est fini. Amen. Quand ça finit, je reste souvent, c'est même déjà fini. Genre ce matin, j'ai écouté 2 avant d'aller travailler sans me rendre compte. Deux enseignements. Après, je me suis dit, mais quand même, j'ai écouté 2 enseignements de peut-être 1h30 chacun. J'ai écouté quoi ce matin? J'ai écouté Faites attention avec le livre des prophètes. Et j'ai écouté L'arbitre. Prêt au stade. J'ai écouté. Mais franchement, j'avais écouté l'enlèvement Wiki Dieu. Je l'ai écouté peut-être en 2 jours. Parce que je faisais, j'arrêtais, j'allais travailler. Mais je t'assure que tu peux demander à Casse, quand je prends mes congés que j'ai. Cette année que j'ai, à la fin là, je prenais une semaine, je restais à la maison, mon nez, je ne sortais pas. Mon trajet, c'était ma chambre et la cuisine pour manger et rentrer. Et quand je marchais dans la maison, j'ai mon ordinateur, j'écoute. Quand peut-être je suis en train de faire la cuisine, ça fait des bruits, ça m'énerve, je prends seulement les écouteurs, je mets. Je pourrais même tomber dans le feu. Ça, c'était pendant une semaine dans la maison, je ne suis pas sortie. Pas du tout. Alors, dans ces cas, dis-moi, dans ces conditions, comment tes pensées ne seront pas renouvelées? Comment Dieu n'a pas ôté le voile? Parce que l'autre jour, je parlais avec Hyacinthe. Hyacinthe me dit, je te connais depuis très longtemps. Mais Dieu t'a fait une grâce que moi-même, je ne comprends pas. On dirait que tu es dans l'affaire là depuis, je ne sais pas. Je dis que, moi, je ne sais pas. Alors qu'au départ, tu le fustigeais du fait qu'il t'a envoyé vers les gens que c'est la dernière fois, quoi. Si, que après Namu, là, je l'ai appelé, si il était devant moi, je ne sais pas ce que j'allais lui faire. Je lui ai dit, si tu m'envoies dans la sorcellerie, en tout cas, tu vas régler ça avec ma mère. Mais franchement, moi-même, je ne. Je, moi. Peut-être je ne me rends pas compte, mais c'est fort. Hein. C'est fort dans le sens où il y a quelque chose. Mmh. Il y a quelque chose qui se passe que tu ne peux pas expliquer. Mmh. Il y a quelque chose. Les gens qui ne me connaissaient pas avant, peut-être quand ils me voient maintenant, ils ne se rendent peut-être pas compte. Mmh. Quand peut-être une qui se passe devant moi me dit, oui, mais machin, vous vous laissez marcher dessus par les hommes. J'ai envie de lui dire que tu ne sais même pas à qui tu es en train de parler. Tu n'as même pas idée de ce que tu es en train de dire. Mmh. Parce que ce que tu dis là, je disais ça peut-être 100 fois 10, fois 100 même. Mmh. Pour moi, un homme ne pouvait pas se placer devant moi. Il va me faire quoi? Il va même me donner quoi? Voilà. Il n'arrive même pas à payer mon loyer. Il va faire quoi? Maintenant, Dieu a brisé tout, la douceur, tout le comportement. Maintenant, même quand on parle, même, ça te fait mal, hein, ça te choque. Ça te fait mal au cœur. Mais tu sais en même temps que tu ne peux pas. Il y a même des patients à l'hôpital quand ils viennent. Hey, vous machin. Ah, tu soupires, tu fais. Ok, oui. De toute façon, tu as la chose. Oui, mais dans ce cas, qui gère ton comportement alors que ton tempérament était d'abord chaude initialement? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Mais ce n'était pas que j'étais chaude, mais c'était juste que quand moi j'ouvrais ma bouche pour dire quelque chose, ça n'était pas quelque chose de très bien qui allait sortir en fait. Oui. Tu vois, c'est juste que moi j'étais quelqu'un, j'étais tic-tac, j'étais très direct. Donc, quand j'ouvrais ma bouche pour parler, c'était vraiment pas aussi agréable à entendre. Hein, parce que moi, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâchais pas mes mots. Je te dis est-ce que ça te plaise ou pas. Mais maintenant, je sais que ça, c'est en train de passer. Parce que même mon soi-disant Barak a très beau rejeté là maintenant. L'autre, je m'a dit ça. Et il m'a dit, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu es même une femme bien, très bien même. Mais tu as une chose, tu avais en tout cas quelque chose que je ne supportais pas dans le sens où tu blessais même sans te rendre compte, ta bouche. C'est que tu ouvrais ta bouche, tu disais certaines choses, tu ne te rendais même pas compte du mal que tu peux faire avec ta bouche. Mais il m'a dit, mais maintenant, je dis des choses, je parle tout, je dis même des choses pour t'énerver. On dirait que je ne te dis même plus rien. Ça par contre, c'est en train de m'étonner. Après, il m'a dit, en tout cas, ta marche avec Dieu, là, ça peut être positif. Hein. Je lui ai dit, en tout cas, tant mieux. Ouais. Mais c'est vrai que je ne peux pas l'expliquer. En oui, fait. Mais souviens-toi, cette nuit-là, tu as dit comment rencontrer Dieu, comment connaître Dieu. J'ai demandé de descendre les escaliers, ouais. Aller lui parler. Et tu es rentré, tu dis que tu ne sais pas ce que tu as fait en bas là-bas, tu te souviens, n'est-ce pas? Je ne sais même plus ce que j'avais dit. Absolument. Franchement, je ne sais plus. Oui, mais tu partais comme ça, là, tu ne savais pas que tu allais dans la fournaise où Dieu transforme. Pour moi, c'était quelqu'un qui me disait, va prier, j'allais prier. Ouais. Même pas plus que tu m'as dit au sérieux. Oui. Oui, effectivement. Je suis allée parce que, bon, voilà. Tu es descendu les escaliers. Mais c'est clair que ce qui est sorti du cœur sur moi, c'était sincère. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Alors, le temps que tu t'assèves pour prendre une pause, je vais couper pour relancer parce que la sœur Christiane ne parvient pas à joindre le groupe. Là, le temps que je relance la pause. Ah, ok. Mais comme ça, elle puisse entrer. À tout à l'heure, donc, le temps que tu souffles un peu. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Oh oui, non, j'ai coupé et puis j'ai relancé. J'espère que cette fois-ci, elle entrera dans la danse. Non, ça n'a même pas fait une seconde. Elle n'est même pas dedans. Elle est connectée normalement. Je crois qu'elle doit avoir des problèmes de connexion parce que c'est les mêmes personnes qui sont reconnectées là. Alors, j'y relance encore. C'est parti. Ok. Ah, voilà, la sœur Amie est positionnée. La sœur Clodon, elle est là. J'ai vu que la sœur Suzanne était en train d'appeler. Oui, je suis là. Oui, est-ce que tu nous écoutais depuis? Parce que j'ai dû stopper pour pouvoir faire joindre la sœur Christiane qui demandait à être jointe au groupe. Elle ne parvenait pas à faire son entrée. Donc j'ai dû suspendre un instant pour relancer l'appel. Absolument. Oui, je crois que la soeur, le frère Tabi. Mais normalement, comme elle vient dans le groupe, elle doit se rejoindre le groupe. Écrivez-lui comme ça. Oui, oui. Ouais. Alors maintenant, vous suivez le témoignage de notre soeur, la soeur Andrew. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui étiez là-bas ce soir, là, frère Trabi et madame Trabi? Bon, on arrive encore la soeur Andrew. Vous voyez effectivement que la soeur Christiane, elle a sûrement avoir des problèmes avec son. Avec son appareil, parce que tout le monde est encore reconnecté, sauf elle. Donc, dis-lui en off qu'elle elle rejoint seulement le groupe directement. Je vais voir. Peut-être qu'elle va se connecter maintenant. Oui. Alors, en fait, oui. Oui. En fait, je crois à cette transformation-là parce que ça me fait rappeler aussi à mon tour quand le Seigneur faisait aussi pour moi. Oui. Parce que c'est une fraction de seconde comme ça aussi, mais ben, comme le Seigneur utilise plusieurs façons, moi c'est une brochure j'ai reçu et puis bon, aujourd'hui à demain c'est fini, après juste ça a changé comme ça. Oui, mais frère Trabi, honnêtement, quand on était en ami ensemble, quand cette soeur-là dérangeait avec les questions, qu'est-ce que tu avais comme pensée dans ton cœur vis-à-vis d'elle, la voyant? En fait, bon, automatiquement je la comprenais. Mmh. Je savais que c'est vrai, elle cherchait à comprendre. Et puis, par moments, c'est difficile pour des personnes qui sont pas encore converties. Quand tu les parles, oui. Souvent, ils ont leur croyance, ils ont leur manière de voir les choses. Oui. Donc, ils peuvent s'exprimer de cette façon. Oui, ils comprennent pas, c'est difficile. Je voyais ça normal. Oui. Mais, bon, je me disais si c'est le Seigneur vraiment qui la touche, tout va changer, quoi. Oui. Bon. Tu vois, effectivement, qu'avec cette expérience-là, il faut être patient avec les gens, n'est-ce pas? Je crois que on a le souci. D'abord, permettez, j'arrange le... Oui? Je ne savais pas que... Cette transformation allait se passer comme ça dans sa vie. Très vite comme ça. Très vite, quoi. Quand on s'est laissé depuis, elle devrait se baptiser. Par moment, on causait une fois. Bon, on causait par moment, par testo. Mmh. Et le jour qu'elle a... Bon, on a parlé de ça. Et en fait, j'ai commencé à lui parler encore du baptême, tout ça. Mmh. Et elle a dit cours toujours, je vous vois venir. Oui, en fait, j'ai commencé à lui dire, mais depuis là, le baptême, ceci, c'est comment elle a parlé de lieu en fait. Mm. Donc, depuis longtemps, c'était le lieu qui, je sais pas, il n'avait pas encore trouvé le lieu. Mm. Alors, moi, je connaissais un lieu déjà, parce que étant ici en Belgique, nous sommes allés faire intégration. Mm. Et l'école dans laquelle je suis allé faire l'intégration, on nous a fait visiter une petite plage là. Mm. Donc, j'ai gardé l'endroit. Oui, donc quand tu visites la plage comme ça, tu ne pars pas visiter comme tout le monde. Tu pars seulement, tu pars mettre ton... Ouais. Voilà, seulement. Ouais. Donc, l'endroit est resté. J'ai dit, ben, il y a une place, il y a un lieu où on peut baptiser, on peut aller. Mm. Donc, j'ai parlé de ça à la soeur. Et puis, bon, il lui a dit, arrange-toi à trouver le jour vite. Parce que fais vite pour finir avec ça. Voilà. Donc, on aide ça comme ça. Et là, en même temps, elle a fait un programme en même temps le dimanche qui vient. Il vient là, en même temps, on s'est attrapé, en même temps, on a fait ça rapidement. Comme voilà. Ça. Bienvenue à la soeur Christiane, elle s'est finalement connectée. Bon arrivée, bonsoir la soeur Christiane. Bonsoir les bien-aimés, enfin. Tu es où bonsoir. À Bruxelles, il n'y a pas de connexion à Bruxelles, il n'y a plus là-bas, c'est quoi? J'ai dû couper le wifi et relancer, donc c'est peut-être que ça marche. Ok, que le Seigneur te bénisse. Donc, désormais, quand on appelle, et que quand vous êtes dans le groupe, déjà, quand on appelle, vous n'êtes pas là, quand vous venez, normalement, il y a un onglet vert qui va s'afficher, rejoindre l'appel. Il suffit de cliquer sur cet onglet-là et entrer dans le groupe. Eh bien, tu n'as pas perdu grand-chose, hein, c'est la sœur Anne qui nous donnait son témoignage. Donc, et Dieu merci, tu étais là également le soir, là, je profite pour te poser la question. Quand tu vois la sœur maintenant, et la sœur que tu as connue ce soir, nous étions dans notre visite en tournée européenne, qu'est-ce que tu as dit? La sœur, on se moque seulement de toi à la difficulté. Que Dieu soit loué. Elle était assise à ta droite, si ma mémoire est bonne, tout juste à ta droite. Oui. Une dose. Oui. Oui. Eh, ma soeur. Oui. Tu es trop fort. Tu es trop fort. Donc, c'est vraiment des. C'est beau à voir, c'est beau. C'est vraiment beau. Tu es trop fort. La sœur, ce soir-là, il était question, j'avais parlé de ta maman qui avait des problèmes et qu'il fallait qu'on prie pour ta maman. Quel en était le résultat? Bah, ça ne pouvait être que bien parce que aujourd'hui elle me traite de folle, mais elle ne sait pas que voilà que Dieu a mis sa main sur elle. Parce que quand j'étais venue là-bas, je crois qu'elle était déjà hospitalisée, ça faisait quoi, peut-être 2 semaines. On ne trouvait pas toujours ce qu'elle avait malgré les examens qu'on puisse faire, on ne trouvait rien. Elle avait déjà tout fait. Et donc après ça, je crois quelques jours après, j'appelle à l'hôpital là-bas comme je n'étais plus allée la voir. Elle me dit, oui, on a trouvé un germe, c'est la filariose. Voilà. Directement, ça, je n'ai pas pensé à ça parce que comme j'étais encore en mode, je ne sais pas où je suis, c'est après. Voilà, c'est après que j'ai compris que, bah oui, pour trouver un germe, on avait déjà fait des tests de paradigme, machin, monté, descendu, on ne trouvait rien. Et elle était bien. Et après quelques jours, elle est sortie de l'hôpital, elle a fait son traitement, elle est bien. Amen. Donc, C'est après seulement dit que Dieu là, il est fraudé. en fait, Maintenant, elle m'engueule, elle ne sait même pas. Elle ne sait pas, elle ne je sait pas ce qui m'ai est encore arrivé. dit ça. De toute façon, toutes ces visitations, c'était le signe pour toi, pas pour elle. C'est le signe pour toi. D'accord? Mais bien sûr, bien sûr. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Et merci pour ce témoignage-là qui me fait chaud au cœur. Et ma joie sera toujours un jour là devant le trône. Quand on sera assis devant le trône, je dirai, Seigneur, les voici enfin. Tu m'as envoyé aller les chercher. Je leur ai dit ta parole. Les voici. Pour vous présenter. C'est pour ça qu'il dit sainteté, Belgique dans la sainteté. Il faut que dans le pays, la Belgique, qu'il y ait n'importe quoi, qu'il y ait au moins des justes qui vivent. Si Dieu doit frapper la Belgique, parce que ce qui va arriver en Allemagne, avec cette tempête-là, va secouer certaines parties de votre pays. Qu'il faut que vous soyez à même de défendre les intérêts du Seigneur étant à genoux. C'est-à-dire que si le Seigneur envoie les gens frapper la ville, qu'on puisse dire, mettez ma fille reine de côté, mettez mon fils Trabi avec son couple de côté, mettez la famille ami de côté, la famille Clodon, la famille Christiane de côté, ce sont mes gens à moi. Que les anges soient là pour protéger. Vous voyez cela? Donc, glorifions le Seigneur chaque jour avec notre façon de vivre. La sœur amie, je crois que tu n'es pas de la... Tu ne peux pas ressentir ce que nous ressentons maintenant parce que tu n'étais pas là ce soir-là. Mais tu peux essayer de comprendre, n'est-ce pas? La sœur Clodon Oui, aussi. bien. On est tous passés par cette moment de transformation, donc je peux très bien comprendre la grâce que le Seigneur lui a accordée et la sanctification que tous nous devons faire jour après jour. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? J'attends les questions. La sœur Christian, as-tu les questions? Puisque tu es la seule, la dernière venue maintenant. Je ne sais pas si la Madame Clodon est rentrée, est déjà connectée. Elle est connectée, on continue. Ça y est, je suis là. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Toi également, tu as ton histoire avec Amen. la transformation. Comment Dieu t'a transformé? Tu voudrais nous partager avec nous? Absolument. Ah, vas-y, crache alors le morceau. Belgique dans la sainteté. Non, mais ça s'est fait de manière progressive, vraiment dans le temps, hein. Et en fait, ce qui m'a. Comment ça a commencé, En fait, j'étais attirée par un livre que j'avais. C'était dans le temps, quand j'étais plus jeune, j'ai fréquenté les dénominations, hein, notamment l'Église catholique. Et en fait, c'est bizarre parce qu'à l'époque, j'aimais déjà le Seigneur, en fait, mais je ne le servais pas. Et j'évoquais le Seigneur, mais je savais pas comment dire, j'étais dans les dénominations, quoi. Et puis, bizarrement, c'était l'année dernière, au mois de, je me souviens très bien, c'était à partir du 23 octobre. Je me souviens parce que à cette date-là, mon mari n'était pas là. Il était parti pour une mission. J'étais restée seule à la maison avec les enfants une semaine. Et là, j'ai commencé à avoir je sais pas, il y a eu des choses qui... Je me posais trop de questions. En plus, quelques temps auparavant, il y a eu, à cette époque-là, il y avait des attentats qui se passaient en France. Et Charlie Hebdo. Et ça traumatisait. Absolument, voilà. Et ça traumatisait. Quand tu allais dans les réseaux sociaux, tu voyais comment les gens ils mettaient des témoignages, ils mettaient des trucs, enfin, ils disaient plein de choses. C'était bizarre. Et puis moi, j'étais là. Oh là là. Et puis quand tu entends, tu lis les messages des gens, il y avait qui disaient oui, Dieu existe. Et puis les non-croyants disaient ouais, si Dieu existe, pourquoi il permet telle ou telle chose et tout. Enfin, et là, j'étais là, c'est pas possible. Et je me suis dit, oh, et je me suis levée, j'étais dans la chambre, je me suis dit, et là, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est sorti de ma bouche, je lui ai dit, oh, Dieu, si tu existes vraiment, fais-le-moi savoir. Et je me souviens comme si c'était hier. Je dis, comme ça, c'est sorti comme ça, machinalement, comme ça. Hein. Et puis, bon, après, tu passes dessus, quoi, tu fais ta vie et tout. Et peu de temps après, je commençais à être attirée par ce fameux livre-là que j'avais depuis des années, mais que je n'avais jamais lu. Hein. Et ce livre-là m'interpellait. C'était comme si ce livre-là me disait, lis-moi, lis-moi, lis-moi. Et puis moi, oh, lis-moi. Non, et puis je passais dessus. Lis-moi, à chaque fois que je regardais ce livre. Et le titre, c'était... La Bible pour l'explication de la Bible pour les nuls, quelque chose comme ça. Hein. Oui. Voilà. Et ce livre-là m'interpellait. Lis-moi, lis-moi, lis-moi. Et puis non, non, non, non, je passais outre. Et un jour, je prends mon téléphone. Un matin, comme ça, je prends mon téléphone et je vais sur. À l'époque, j'avais Facebook. Vous m'entendez bien ou pas? C'est apparemment. Oui, d'accord. Et puis d'un coup, je tombe sur une vidéo d'un jeune garçon français. Il était latino, là, vous savez, latino, oui. Voilà, latino. Mais il prêchait dans les métros en France. Oui. Il prêchait. Un jeune, un très beau gosse et tout ça, vraiment, quand tu le vois, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Oui. C'est Pagès? Ou bien c'est, comment il s'appelle? Oui, c'est ça, oui, oui, oui, c'est lui. Et lui, ce garçon, ça dit que, je sais pas, et là, je me suis dit, waouh, quand je l'ai entendu prêcher, et là, ça m'a touché dans mon cœur. J'ai dit, non. Oui. J'ai dit, non, c'est pas possible, c'est... Et là, j'ai dit, il faut que je cherche à le joindre, ce garçon-là. Il faut que je lui envoie un message et tout ça. Oui. Que je lui dise que, franchement, son message m'a beaucoup touché. Il fallait que j'entre en contact avec lui. Oui. Donc, j'ai cherché un moyen pour le contacter. Je ne trouvais pas comment je vais faire. Donc, je suis allée sur le compte. J'ai tapé son nom. Et je l'ai trouvé. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que franchement, son message m'avait beaucoup touché. Vraiment, j'aimerais qu'on parle parce que j'ai l'impression qu'il se passe des choses sur moi. Voilà, je sais pas. J'ai besoin de parler. Et puis, allô? Oui, on t'écoute, Saint-Sulpice en ligne, madame. Ah, entendu. Et puis, ce livre-là qui n'arrêtait pas de m'interpeller. Ce livre-là qui ne me lâchait pas. Lis-moi, lis-moi, lis-moi. Et puis, un jour, je me décide comme ça. Je prends ce petit livre. Je commence à le lire, je l'ouvre, je lis, je commence à lire. Et puis le livre explique ce que contient la Bible en fait, mais avec des mots très très très, très simples, hein, oui. Pour qu'on puisse comprendre, d'accord? Avec des versets et tout ça. Tu lis, et là je lis ça m'impacte encore plus. Je dis waouh, je dis comment je n'ai jamais pu lire la Bible avant alors. Je lis, et ça explique vraiment le béaba, ce que contient la Bible et tout ça. Et là, ça rentrait, ça pénétrait dans mon cœur. Je dis, non, c'est pas possible. Et j'avais qu'une envie, c'est de le finir, ce livre-là. Et donc, j'arrive à la fin, je tourne la page, je regarde le derrière la page, derrière la couverture. Oui. D'accord? Et ils me disent qu'en fait, je dis que c'était un témoin de Jéhovah qui l'avait écrit. J'ai dit non, c'est pas possible, la fissure. Tu as dit oh. Oh non, c'est pas vrai. Oui. Mais sur le coup, ça m'avait vraiment. J'étais un peu déçue. Mais avec le temps, tu t'aperçois qu'en fait, le Seigneur, il parle il te parle d'une manière, il peut utiliser n'importe quoi pour attirer quelqu'un. Et là, c'était même à l'issue des événements fâcheux qui arrivaient tout autour de toi, qui a poussé pour ça, qui t'ont poussé au questionnement et à l'interrogation et voilà, t'es conduit là. Absolument. Absolument, tout à fait. Et sachant que avec aujourd'hui, je comprends mieux parce que je me suis rappelé de cette phrase que j'avais dite aussi. Que je me suis levée et j'ai dit, Seigneur Dieu, si tu existes vraiment, parce que quand tu vois les témoignages sur Facebook, les réseaux sociaux, les gens qui critiquent le Seigneur, Dieu, puis toi tu sais pas, tu t'es pris entre deux, tu vis déjà, en plus tu vis avec un non-croyant et tout, qui te, voilà, avec le temps finalement ta foi est complètement voilà quoi. Oui, voilà. Donc ça m'a pas aidé non plus quoi. Et puis là, je me suis rappelé de cette phrase, Dieu, si tu existes vraiment, parce que j'en avais assez que d'entendre des choses, des blasphèmes sur Dieu, sur les réseaux sociaux. Ouais, Dieu, s'il existe vraiment, pourquoi il permet? Et là, subitement, je me lève, je dis, Dieu, si tu existes vraiment, fais-le-moi, montre-moi, oui, manifeste-toi, quelque chose comme ça. Oui. Et je sais pas, et là, je me suis dit, non, vraiment, je pense que le Seigneur, il nous entend, quoi. Absolument. Il nous entend. Et c'est là où, petit à petit, les choses ont commencé à se faire en moi, en fait. Et progressivement, et comme je dis, même aujourd'hui, il continue encore à se révéler, à me montrer des choses. Mais toujours dans la douceur. Hein. Pas tout d'un coup comme ça, bam, bam, bam. Toujours dans la douceur, vraiment dans le... Et puis voilà. Et puis après, il s'est passé quoi? Après, je voulais rencontrer un pasteur, ouais, une personne à qui en parler, parce que je voulais vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Ouais. Je voulais comprendre. J'avais soif de Dieu. J'avais soif de la parole. Je voulais comprendre. Et alors, quand tu vas dans les réseaux sociaux, tu fais des recherches, tu tombes sur des pasteurs pas toujours. Des faux pasteurs, comme on dit. Hein. Et moi, j'ai eu le malheur d'être tombée sur... je ne sais pas si vous connaissez Casarema. Ben... Voilà, les fans là-bas. Casarema. Oui, ils bougent tout le monde, je boule la tête, oui, là-bas. Voilà, là-bas, c'est... Non, mais là-bas, il ne faut même pas y aller sur ce site-là, parce que vraiment, c'est que des c'est pas des bons, quoi. Et j'en ai eu la preuve. Et alors là, j'étais tombée ce jour-là sur le pasteur Essomba. Oui. Qui faisait son témoignage et tout ça, et ça m'a beaucoup touché. Quel Essomba? Essomba Tchalé Essomba. Ok. Ouais, mais par la suite, le Seigneur m'a révélé que c'était pas. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc, je tombe sur lui, donc il racontait un peu son histoire, et ça m'a touché. J'ai dit, tiens, il faut que je le contacte. Et comme ils affichent les numéros de téléphone des pasteurs qui passent, pour, voilà, je l'ai appelé. Je l'ai eu directement et il m'a dit, bah écoute, telle date, il y a l'assemblée, viens. J'ai dit ok. J'en ai parlé à mon mari, il était d'accord, il m'a accompagné et tout ça. Et là, se trouve où le rendez-vous, le lieu de rendez-vous se trouve où? Oui, pardon, c'est à Paris. Et là, vous êtes posté aux Pays-Bas, ou bien? Voilà. Donc vous quittez le Pays-Bas pour aller à Paris pour le rencontrer? Absolument, absolument. Parce qu'en plus, il me disait, ouais, mais... À la recherche de Dieu. Vas-y, raconte-nous, ma soeur. Exactement. Ouais. Exactement. Et Dieu m'a laissé faire. Il m'a dit, je la laisse faire sa bêtise, il n'y a pas de souci, elle verra après. Donc, voilà. Et c'est comme ça que, bon, on réserve l'hôtel et tout avec la famille. J'ai porté toute la famille, hein. Mon pauvre mari, même aujourd'hui, je me dis, oh là là, comment il a pu supporter ça, quoi. Donc, on y va et tout. Le lendemain, c'était dimanche, je vais à l'assemblée, parce qu'on avait pris l'hôtel pas très loin. J'arrive, j'étais bien habillée. Écoute, hein, j'étais habillée vraiment, les cheveux, les rastas jusqu'aux fesses, maquillée comme pas possible, les talons et tout ça. Tente pas. Ah, maman, j'arrive à l'assemblée parce qu'il m'avait indiqué tout ça, le lieu. J'arrive, je faisais même partie des ceux des personnes qui étaient arrivées les premières. J'entre et tout, voilà, je m'installe et tout machin, on attend. Et puis plus le temps passait, plus les gens arrivaient. Et entre-temps, ton époux est où avec les enfants? À l'hôtel. Ok. Il voulait pas. Moi, je voulais qu'il vienne, mais il voulait pas. Ça l'intéressait pas. Oh. Non. Ah non. Il est resté avec les enfants. Initialement, c'était 3 heures. Mmh. Vous savez que en Europe, l'heure c'est l'heure. Hein. Ouais. Et les Africains. Lui, il attendait pour 13 heures parce qu'il nous avait dit 13 heures. Normalement, ça se termine, mais ça a été rallongé jusqu'à 15 heures. Oui. Il n'en pouvait plus. Ça a été des disputes après. Oui. Et ensuite, dans l'assemblée. Et là, voilà le pasteur qui arrive, Tchale Isamba qui arrive, qui fait son entrée et tout. Il commence à prier, il commence à nanana. Le Dieu que je sais, machin. Oh, mais moi, j'étais dans tous mes états, quoi. J'étais là pour le rencontrer. Mm. J'étais pas là pour, je voulais avoir un entretien avec elle parce que j'avais des questionnements. Mm. Je voulais lui demander des choses parce que c'était ça mon but, mon objectif, avoir un entretien, avec un pasteur, un homme de Dieu, quoi. Oui. Pour poser des questions. Mais, bizarrement, il y avait du monde et tout ça, il y avait la prière, machin et tout. Alors je me suis dit, patiente Suzanne, peut-être après ça, il va te recevoir. À la fin, je vais le voir, je dis, parce qu'en plus on l'appelait papa, je dis, papa, est-ce que je voudrais te rencontrer personnellement pour te parler? Il a dit quelque chose dans le micro, ah! Maintenant, je peux plus parce que papa est fatigué, il doit aller se reposer. Mmh. On comprend tout de suite que le gars, il veut pas me voir, quoi. Enfin, il veut pas avoir une rencontre personnelle avec moi. Mmh. Et surtout que je venais de lui donner 500 euros, n'est-ce pas, pour les offrandes et tout ça. Oui, pour que Dieu te voie bien, 500... comment tu es positionné, quoi. Mon mari, il a failli devenir fou. Pour que le Seigneur Dieu du ciel voie ton sérieux, comment tu es sérieux, quoi. Voilà, c'est ça. Mm. Mais c'est exactement ça. Mm. Enfin, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce jour-là, c'était la chair qui s'était manifestée, quoi. Mm. Mm. Et puis, bon, après, c'est vrai que quand tu es à la recherche de Dieu comme ça au début de tout ça, tu ne sais pas aussi, tu ne sais pas. Tu es dans l'ignorance, tu fais des choses, tu crois bien faire. Mm. Mais en fait, et puis les pasteurs, là, ils n'étaient à deux pas puisqu'ils sont là pour prendre ton argent, Voilà, je lui ai donné 500 euros comme ça. Il me dit, en fait, là, j'ai payé la première tranche le jour même. Tranche de et quoi? Et puis j'ai dit, comment? Donc, les 500 euros ont été versés par tranche, quoi. Voilà, en deux tout, ouais, ça c'est ça. Courage. Parce qu'ils disent, en plus, j'ai dit, bon, je vais payer comment? Ils avaient tout, hein, sur place, attention. ils avaient l'enveloppe et tout ça. Ils avaient même le lecteur de carte bleue. Et ça m'a choqué. Mais tu sais, j'étais là, mais c'est bizarre quand même. Est-ce que ça se fait, ça? Est-ce que c'est Dieu? Je me posais des questions à chaque fois. Je dis, bon, c'est pas grave. Bon, peut-être que Dieu y tolère quand même, enfin. Et parce que je dis, je n'ai pas de liquide sur moi. Il dit, c'est pas grave, on a tout. C'était la carte bleue, on a le lecteur. Je dis, ah, ok, d'accord. J'ai payé la première tranche. Oui. Et puis... Et puis, parce qu'en plus, avant ça, ils appellent les gens, ils disent, qui c'est qui veut donner 1000 euros? Ils commencent comme ça, 1000 euros. Oui. Bon, tu lèves la main si tu veux donner 1000 euros, si tu veux verser 1000 euros. Oui. Qui c'est qui, après, au fur et à mesure, ils descendent, qui c'est qui veut donner 1500 euros ou 600 euros, enfin, etc. Mais moi, j'ai levé la main pour 500 euros. Dans ce jeu-là, il n'est pas fatigué, mais quand il faut le rencontrer, il est fatigué. Mais c'est ça. À la fin, moi, je voulais le voir. Je dis, bon, écoute, moi, je veux te voir. J'ai des questions à te poser. Rien du tout. Rien. J'étais tellement déçue après. J'étais déçue. Parce que moi, finalement, je suis allée là-bas pour rien. J'étais allée le voir pour un but. Et finalement, je suis rentrée. J'ai pas reçu de réponse à mes questions, quoi. Et Dieu m'a vite montré qui c'était, quoi. Bon, Dieu m'a vite montré. Déjà, quelle était la réaction de ton époux lorsqu'il a su que tu as donné ses 500 euros? Non. Aujourd'hui, il s'en rappelle. Hein. Non. Il faut même plus. Mon époux, quand je suis sortie de là, déjà, il était en colère contre moi parce qu'il m'a dit, attends, mais c'était 13 heures. J'ai dit, oui, mais c'est pas moi, chérie. Attends. Non, mais tu te moques de moi. Attends, tu t'imagines. Il était en colère. Oui. Et puis, dans la voiture, j'ai dit, attends, il faut que je te parle. Il y a encore. Parce qu'il fallait lui avouer maintenant que je venais de dépenser 500 euros. Oui. J'ai dit, chérie, tu sais. J'ai donné 500 euros à Dieu. Tu lui as dit que j'ai donné 500 euros à Dieu pour construire sa maison. Voilà, c'est ça que je lui ai dit pour faire bien passer la pub, quoi. J'ai dit, tu sais, mais. Ah, il me dit, attends, au début, il dit, t'as dit quoi là? J'ai dit, j'ai donné 500 euros. Bon, tu comprends, hein, tu sais, c'est Dieu, il te, nous le rendra au centuple et tout ça. Attends, il était devenu. Ouais. Il était devenu. Quoi? Il n'a pas freiné brusquement comme ça pour te regarder bien dans les yeux là. Écoute, si on n'était pas sur l'autoroute, il aurait fait. Il était tellement en colère. Il était en colère. Il était dans tous ses états. Il me dit, tu sais quoi, ton histoire de Dieu là. Écoute, déjà je ne croyais pas avant, mais là c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire que tout. Ouais. Alors là, et, il m'a saoulé avec ça pendant. Et jusqu'aujourd'hui, hein, quand je lui parle de Tchala et Samba, il est dans tous ses états. Il est dans tous ses états. Ouais, je me souviens quand nous, quand nous causions là-bas, ce qu'il en a dit par rapport. Oui. Oui, t'as vu sa réaction, non? Ouais. Oui, mais pourquoi donc dans ce cas, il a accepté de nous recevoir chez lui et chez vous là-bas au Pays-Bas, au port où il était gentil, on sortait pour aller jouer? Pourquoi? Ou bien il nous suivait pour voir si on est un de ces pasteurs-là encore, quoi. Là, maintenant, c'est chez lui que ça se trouve. Écoute, moi, tout ce que je peux dire, je pense que c'est le Seigneur. Il était à l'heure puisque j'avais beaucoup prié, j'avais demandé et tout ça. Souviens-toi, j'avais dit j'ai demandé vraiment, j'ai beaucoup prié. Je pense que c'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre de Dieu vraiment. Parce que même moi, je me suis interrogée là-dessus. J'ai dit comment il a pu accepter ça, c'est pas possible. Quand vient loger chez lui. Non, ça. Dormi dans son lit. Oui. Et on sort, on va jouer ensemble, on se promène ensemble. Ah bon. Je dis non, c'est le Seigneur qui a permis ça. Ouais. C'est le Seigneur, il a vraiment disposé les choses. Parce qu'en plus, rappelle-toi, je me creusais la tête, je me dis comment je vais faire pour arriver à lui faire changer d'avis. Parce que, tu vois, j'avais dit que qu'il fallait que vous veniez. Je lui avais dit, et je sais pas, une matinée, un matin comme ça, je me lève, et puis tout d'un coup, il y a une idée qui m'arrive, qui me prend comme ça, là. Je sais pas, il y a une voix qui m'a dit, lève-toi, va voir ton mari, ou ce soir, je crois, il était parti au travail ce jour-là, il me dit, dis ça à ton mari, propose ceci à ton mari. Et là, j'ai dit, oh, mais c'est ça! Mais c'est ça! Parce qu'en fait, comme c'est un sportif, alors je peux vous expliquer la petite histoire. Mon mari, il voulait s'acheter un vélo, un vélo de route. D'accord? Et ça faisait un moment qu'il me bassinait avec ça. Il me dit, s'il te plaît, j'ai envie de l'avoir et tout. Et après, comme ça, quand on va arriver en France, je t'embête plus avec ça. Voilà. Je dis, non, t'imagines, ça coûte trop cher. Attends, 3000 euros le vélo, quoi. Bon. Et puis, cette voix-là me dit, lève-toi. Va voir ton mari, propose-lui ça. Dis-lui, écoute, ok, j'accepte sa proposition, mais à condition que. Il laisse venir les enfants de Dieu ici dans la maison. Amen. Ah, cette voix-là, j'ai dit, quoi? J'ai dit, et c'est pour ça que je t'avais appelé. Le même jour, je me suis levée, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, il faut que j'appelle le frère pour lui proposer, pour lui en parler. Et quand je t'en avais parlé, tu as dit, oui, fais-le. Ah là là. Et toute la journée, j'ai cogité. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis sûre que ça va être des disputes. Ça va être des disputes. Laisse tomber. Et quand il est rentré, j'étais là, oh là là. Chérie, il faut que je te parle. Mais après, quand j'aurai couché les enfants, on va parler, quand on sera entre nous. Il était là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, moi, je suis sûre qu'il pensait que je lui demandais le divorce. J'étais comme ça avant. Quand ça n'allait pas, je demandais le divorce. Le pauvre, il a commencé à paniquer. Il s'est dit, ah, j'espère qu'il va pas encore me dire, je prends mes affaires, je veux partir, je reste plus, tu me plais plus, ou je sais pas quoi. Donc, j'ai dit, non, t'inquiète pas, c'est pas ça, c'est encore autre chose, mais il faut qu'on parle, je préfère que coucher les enfants, comme ça, Comme ça, si on doit se disputer, au moins les enfants ne vont pas assister à cela. Et donc, je couche avec les enfants. Il me dit, alors qu'est-ce que tu veux me dire? Je dis, en fait, c'est une proposition. Je dis, tu te rappelles ton histoire de vélo et tout ça, nanani? Ouais, oui. Je dis, ok, tu sais quoi? J'ai bien réfléchi. Finalement, achète ton vélo. Mais, à condition que je veux que tu me rendes service, vraiment. Il me dit, quoi? Je dis, tu sais qu'en ce moment, j'étais en train de changer. Tu sais, mon histoire avec Dieu. Oui, quoi? J'aimerais que... Ça va être dur, hein, ce que tu vas entendre, mais s'il te plaît, c'est important pour moi. C'est très important parce que je veux comprendre et il faut que... Il me dit, vas-y, dis quoi? Tu sais, au Cameroun, il y a un pasteur que je suis en ce moment. Oui. Et j'ai vraiment, vraiment envie qu'il vienne. Si tu peux m'aider à le faire, si tu peux participer et regarder les billets, tout ça, s'il te plaît, je veux que tu le fasses pour moi. Oui. Et après, ton vélo, tu l'auras. Et il ne t'a pas regardé avec les yeux comme ça ouverts, là? Même pas, c'est ce que je pensais, mon frère. J'ai tout imaginé. Même pas. Ça dit que si c'est pas le Seigneur qui était derrière tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, hein, j'ai été surprise. J'ai été, parce que bon, le matin, j'avais bien prié aussi. Hein. As bombardé son cœur dans la prière. Ah là là. Et quand j'ai eu fini de lui raconter, de lui expliquer le truc et tout, il me dit, mais ils viennent quand? Donc je lui donne la date. C'est qui? Je lui donne le nom. Et puis je lui dis aussi que oui, je ne serai pas seule parce que il y a une sœur aussi qui est en Allemagne, tu vois, la sœur, hein. Je lui explique que voilà, on ne va pas payer enfin la totalité, on partage avec la sœur qui est en Allemagne. Il dit, ah d'accord. Il me dit, et c'est combien? Je dis, bah justement, parce que je veux que tu le fasses pour moi, regarde. Je lui dis, justement, je ne sais pas. Il dit, et dans la foulée, il a été regardé. Il a tapé sur le site et tout. Oh, j'étais là, non, c'est pas possible. Sans brancher, rien du tout. Rien du tout. Il a regardé, il a dit, ok. Il a fait la simulation, ta ta ta, ta ta ta. Le prix et tout, ok, divisé par deux. Il avait déjà fait son calcul, ta ta ta. Ok, il n'y a pas de souci. Oh, oh. Là, tu n'en revenais pas. Oh mon Dieu, j'ai dit, quoi? Vraiment. J'ai dit, oh. Oh mon Dieu, j'en tremblais même, j'étais comme ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. J'ai dit au Seigneur, je suis partie dans la chambre, j'ai dit, mon Dieu, quoi, il n'a rien dit. Maman, j'étais là. Mais ma réaction, c'est ceci, quand il a appris qu'on vient et on dormira chez lui, connaissant ce que les pasteurs ont déjà fait, mais quelle était sa pensée? Non, parce qu'en fait, mon mari, c'est quand même quelqu'un de très... il est bon quand même. Il est très bon. Et il sait que quand on reçoit des personnes comme ça et qu'on n'a pas beaucoup... on n'a que trois chambres. Hein. Donc, généralement, quand on reçoit des gens, on préfère leur donner notre lit, notre chambre. Voilà, comme ça, nous, on reste au salon avec le canapé et tout ça. Comme ça, on préfère qu'il soit plus à l'aise que... Voilà. Et puis, lui, ça l'arrangeait parce que comme il travaillait le matin, c'était plus facile aussi pour lui. Mais, pour revenir à ta question, effectivement, oui, c'est vrai, il aurait pu dire, attends, mais pour qui elle me prend, tes gens, là, je n'ai rien à faire. Ils dorment au salon et puis voilà, quoi. Mais ça n'a pas été le cas, donc gloire à Dieu. Et puis je pense qu'il vous a vu, voilà, il vous a vu, il a vu comment vous étiez, parce que je lui avais déjà dit, je lui ai dit, écoute, tu sais, le frère Junior, c'est quelqu'un de très très simple, très très simple, et en plus, souviens-toi, parce que j'avais envoyé mon frère, entre-temps, mon frère qui est au Cameroun. Là, j'ai oublié, alors, tu as d'abord envoyé quelqu'un ici à la maison comme un éclairé, quoi. Voilà. Tu vas visiter alors, le bâtiment de mon frère et soeur. Oui. Ça, c'est très fort, ça, parce que moi, comment j'ai connu le frère Junior, c'est qu'en fait, pareil comme le premier pasteur là qui m'avait impacté, je pense que le Seigneur, il fait si bien les choses, quand il veut t'impacter, il prend des situations, des personnes des acteurs, quoi. Mmh. Et puis, ils se servent de ces acteurs-là pour t'impacter. Et quand, à un moment donné, et puis, quand c'est bon, ils s'arrêtent, disent, bon, allez, on va passer à autre chose. Mmh. Donc, quand j'avais fini, je pense que c'était la fin, avec le pasteur, le jeune, là, qui m'avait impacté. Mmh. Je pense que sa mission pour lui avec moi, c'était la fin. Et il m'a mis en contact avec le frère Junior. Mmh. Ça lui dit quoi? Pareil, une fois, je regarde mon téléphone. Et là, je vois un enseignement qui disait « Écoutez ma voix. Mmh. » Le Cameroun doit entendre cette voix, oui. Juste comme ça. Mais comment c'est venu dans ton téléphone? Comment c'est venu dans ton téléphone? Mais je ne sais pas. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas du tout. Mmh. Alors j'ai peut-être imaginé que c'est vrai qu'à à cette époque-là j'écoutais beaucoup les trucs du pays et tout ça. Oui. Et puis quand tu écoutes, il y a le comment dire YouTube. Oui. Te propose aussi d'autres trucs. Du même genre. Comment dire? Voilà, par défaut et tout ça, voilà. Mmh. Donc, c'est comme ça que je suis tombée sur ça et j'ai dit, tiens, il faut que j'écoute. Mmh. Et quand j'ai écouté tout de suite, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? C'est qui cet homme? Mmh. Oh, et ça m'avait impacté, ça m'avait tellement touché. J'ai dit, et pareil, j'ai dit, il faut que je le contacte. Mmh. J'ai écouté ça, et puis après, j'avais écouté un autre enseignement encore, je ne me souviens plus trop, je ne me souviens plus le titre. Mmh. Et pareil, ça a fait le même effet en moi. Mm. J'ai dit, non, ce pasteur-là, il faut que je le contacte. Il est trop vrai. Il est trop vrai parce que j'ai jamais entendu ça, quoi. Mm. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mm. C'est cru, mais c'est vrai. Mm. C'est vrai. Parce que c'est quand même fort ce que tu racontes. Mm. Enfin, que le Saint-Esprit, c'est, comment te dire? Ça, c'est des trucs que tu n'entendrais pas dans des églises catholiques, par exemple. Mm. Voilà, tu vois, non? Mais même l'enseignement sur l'habillement et tout ça, tu dis, punaise, mais c'est ça, c'est vrai ce qu'il dit. Mmh. Parce que il dit, Dieu, voilà, il fait pas les choses à moitié. Si tu es dans si tu veux servir Dieu, ben c'est en totalité, c'est parce que c'est un Dieu jaloux, machin. Je dis, mais voilà, mais c'est ça que j'avais besoin. Mmh. La vérité, j'étais à la recherche de la vérité. Mmh. Et ça, voilà. Comment? De la vérité. Voilà, c'est ça. J'écoutais ça, tout ce que tu disais, ça me touchait. Et là, j'ai dit, non, comment je vais faire? Donc, j'ai dit, il faut que j'arrive à retrouver ses coordonnées à ce pasteur. Et moi, je t'appelais Bamba Iba en plus, parce que je n'avais pas que tu t'appelais Junior, le frère Junior. Et je n'arrivais pas à avoir tes coordonnées. Un jour, j'ai écouté un autre enseignement. Et je me suis aperçue que à la fin, il y avait les coordonnées tes coordonnées, qui se déroulaient, quoi. Tu vois, j'ai dit, ah bah voilà, c'est là. Mmh. Et j'ai tout noté. Et là, j'ai dit, oh, il faut que je me décide à l'appeler maintenant. Mmh. J'en tremblais tellement, je voulais. J'ai dit, bon, je vais essayer, en espérant que je vais pas tomber sur lui. Mmh. Et quand j'ai appelé, hein, c'était toi. Mmh. Oh, j'arrivais même pas à parler. J'étais tellement stressée. Je savais pas. Je t'ai parlé rapidement, mais je n'avais pas tout dit en plus. Je savais que je voulais me vider, mais j'étais tellement stressée que. En plus, tu parlais trop vite. Tu sais, quand au premier abord, tu parles vite. On ne sait pas. Enfin. Et puis tu me posais plein de questions et tout. Et c'est là où tu m'as dit que tu avais l'intention de venir en Europe. Voilà, et tu m'as annoncé ça, j'ai dit, oh, s'il te plaît, et puis tu m'as dit, je te vous voyais, tu m'as dit, non, mais tu peux me tutoyer, hein, on est entre frères, n'est-ce pas, hein? J'ai dit, oui, c'est vrai, j'étais timide. Et puis tu m'as dit, j'aimerais te voir, si tu viens en Europe, il faut que, parce que j'ai beaucoup de questions et tout, je veux comprendre, machin. Et j'étais même remerciée, j'ai dit merci beaucoup pour tes enseignements parce que vraiment, tu m'as permis de comprendre et tout. Je me posais beaucoup de questions, machin. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça que, voilà, j'étais rentrée en contact. Et là, j'ai appelé mon frère, comme j'étais, à l'époque, j'étais souvent en relation avec lui. Mmh. J'ai dit, s'il te plaît, il faut que tu ailles, tu me fasses, il faut que tu me rendes service. Il y a un pasteur chez vous là-bas, là. Non, s'il te plaît, va le voir. Va voir. Va un peu enquêter pour moi là-bas parce que, Parce que je me commençais à me méfier, non? Avec le souci, ce que j'ai eu avec son bas et tout ça, j'ai compris que non, non, non. Si je veux avancer, si je veux avoir des réponses, il faut que je tombe sur quelqu'un de bien et de vrai. Et comme je commençais à voir dans mon cœur que tu étais, que tu disais était vrai et tout ça, mais je n'étais pas encore sûre. Je n'étais pas rassurée. Il fallait te rassurer. Voilà. J'ai dit, ah, il n'y a que mon frère qui peut me confirmer cette chose-là. Et en tout temps, ton frère n'est pas chrétien, lui. Et lui n'est pas chrétien. Oui, il n'est pas chrétien du tout. Enfin, et tu l'as envoyé, ils disent tous là-bas qu'ils sont chrétiens, hein, qui croient en Dieu, mais ça n'en est rien du tout. Hein. Et donc, il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je lui dis, il habite à tel endroit, machin, machin, machin. Je lui donne les coordonnées et il me dit, ok, je vais y aller. Et quand il est parti, il a rencontré, il t'avait rencontré, mon frère, non? Togi, il t'avait rencontré. C'était déjà pourquoi, je sais plus pourquoi. Il est venu. Ah, il était venu avec son ami. Oui, son ami, oui. Exactement. Ce jour-là, il était venu avec son ami. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, ma sœur, ce pasteur-là, j'ai jamais rencontré un pasteur comme lui. Il est tellement simple. Et il me dit, il t'accueille, il te dit, et en plus, il te fait même entrer dans sa chambre. Ah, quand tu vas voir les pasteurs dehors, là, déjà, son habillement te stoppe direct. Son habillement. Déjà, quand ils te font asseoir et puis ils croisent les pieds pour te montrer que, voilà, lui, il est pasteur et puis toi, tu n'es que machin. Et puis quand il te parle, il marque bien son territoire, quoi. Mais lui, dis-donc, en plus, il est jeune. Je crois que je suis même plus vieux que lui. Hein. Et tu dis, ah bon? Il me dit non, non, non, non, non, non, il faut que je reste, même moi je reste en contact avec ce pasteur-là, parce que non, il m'a plu, ma soeur, tu sais. il m'a dit non, non, non, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est un bon pasteur, tu peux rester avec lui. J'ai dit, c'est vrai ce que tu me racontes, oh, s'il te plaît, oui, j'ai dit, non, non, si, je te mentirai pas. Non, non, c'est vrai. Il m'a. En plus, il a même payé le taxi à Vivi, donc celle qui était. Il a payé. Je dis, ah bon? Attends, c'est vrai. Il lui a payé le taxi. Je dis, c'est pas vrai. Ah non, je vais m'accrocher à ce pasteur, c'est pas possible. Et c'est comme ça que c'est parti. Et là, ça m'a encore confirmé. J'ai dit, non, lui, il faut que je le rencontre. Il faut que je le rencontre. Voilà. Alors, à ce stade-ci maintenant, beaucoup de toutes les questions que tu avais, ça s'est dissipé, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur? Oui, pas, j'ai encore, de toute façon, on aura toujours des questions. Hein. Ouais. Mais je marche, je suis vraiment sur la bonne voie avec le Seigneur. Et il me modifie, enfin, il me fait voir, il m'apprend tous les jours. Amen. Il m'apprend tous les jours. Et aussi parce que je pense que c'est à nous, il faut demander, il faut savoir demander au Seigneur. Ouais. Il faut montrer que. Comment dire que c'est lui, quoi, que c'est que lui, d'accord. Il faut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est le Seigneur, il nous veut en totalité, en fait. Il connaît nos faiblesses et il sait que voilà, que de toutes les façons on n'a pas encore atteint cette perfection qu'il attend de nous. Mais c'est à nous tous les jours de lui demander de nous aider dans notre marche. De nous aider, de nous édifier, de nous conduire, et honnêtement, je peux vous dire que vraiment, je suis vraiment heureuse et je le remercie tous les jours, parce qu'il de m'avoir fait cette grâce-là, parce que quand je vois dans ma famille, toute ma famille, du côté de mon père comme du côté de ma mère, je me dis, pourquoi moi? Pourquoi? Et je n'arrête pas de me dire, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi, il m'a choisi? Pourquoi? Je te dis, c'est vraiment une bénédiction, quoi. Amen. Parce que quand tu vois comment ils se comportent, ils ont l'esprit du monde, ils n'ont aucune notion de Dieu, enfin, c'est tout de suite, c'est l'argent, c'est machin, il faut que tu joues dans le business et tout ça, machin. Et là, tu dis, mon Dieu, oh là là, c'est pas possible. T'as envie de leur dire, mais tu sais, il y a autre chose que l'argent, il y a Dieu, par exemple, mais tu peux pas parce qu'ils comprendraient pas, enfin. C'est pas facile, quoi. Vous voyez donc effectivement qu'il faut que chacun soit attiré. Quand le Seigneur veut quelqu'un, lui, il attire cette personne vers lui par ses moyens. On ne doit pas forcer quelqu'un à y aller, n'est-ce pas? C'est ça, absolument. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Lorsqu'on force quelqu'un à aller vers Dieu, on fabrique les religieux. Lorsque le Seigneur attire les gens vers lui, il fait ses disciples. Absolument, absolument. Et on le voit très bien parce que c'est vrai que quand tu reçois la révélation comme ça, là, comme moi, par exemple, t'as qu'une envie, c'est de le montrer à tout le monde, en fait. Mmh. T'as ce réflexe-là de vouloir en parler à tout le monde. Parlant de cela, ton entourage, comment on a perçu ton changement? Tes amis, ta copine, ainsi de suite. Bah, mon entourage, écoute, déjà, bon, je suis aux Pays-Bas, je pense que le Seigneur, il a permis cela aussi. Et parce que avant j'étais en France, j'étais une fille mondaine, mais vraiment quand je dis mondaine, c'est j'étais tout le temps. Mm-hmm. Oui, j'étais tout le temps. J'avais toujours du monde autour de moi, des amis, tout ça. Enfin, j'étais vraiment connue dans mon petit village en France, là. Mm-hmm. Et le Seigneur, il a permis que je vienne ici aux Pays-Bas, dans un milieu où je connaissais personne, ni la langue, ni voilà, pour pouvoir m'impacter justement, pour pouvoir me toucher, parce que si j'étais restée en France et qu'il m'avait touchée en France, ça n'aurait pas, en fait, ça serait pas resté parce que j'étais trop entourée. Mmh. Tu comprends, non? Oui, oui. Donc, il était isolé pour bien traiter avec ta pensée, avec ton cœur, et ainsi de suite. Exactement, exactement. Parce qu'en France, là, si même s'il m'avait touché à un moment donné, les amis, les entourages, j'aurais oublié 2 jours après. Mmh. Et je serais passé à autre chose. Mmh. Donc, il a permis que, il voulait m'isoler pour mieux m'impacter. Mmh. Que je comprenne que c'est lui, que je reste dans ce, que voilà quoi, tu vois, que je la vérité soit dans mon cœur. Amen. Voilà. Donc je pense que il a fait tout ce travail là maintenant. La mission étant terminée, on va rentrer chez nous en France. Donc pour répondre à ta question. Donc là maintenant tu rentres en France maintenant pour confronter ces gens dans le milieu maintenant. Donc tu es prêt à en écoute avec ce milieu encore. Mon frère. Tu sais, j'y suis retournée cet été. Oui. On est parti en vacances dans le sud de la France cet été. Tu sais quoi? C'était difficile parce que je ne savais pas. J'étais différente de par ma transformation parce que je maintenant même au côté habillement et tout ça, je m'habille de façon comme le Seigneur nous le demande. Hein. Mais tu sais comment dans le sud de la France, comment les gens sont. Hein. Le sud de la France, déjà, c'est réputé pour être friqué. Hein. Et les gens sont nombrilistes. Et c'est la plage, il faut que je sois mince, il faut que je fasse ci, il faut que je... Tu sais quoi, tu vois, c'est le côté physique, quoi. Toujours. Oui, vraiment toujours. Le charme. Voilà, c'est ça. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, pour rien au monde, je vais renier mon Dieu, quoi. Pour rien au monde. Oui. Donc, voilà le côté où il fallait rencontrer les anciens copines et tout ça, machin. La première c'était à la plage. Hein. Déjà, elle me dit ouais, on va se baigner et tout ça. Je lui ai dit je ne me baignerai pas. Voilà, nous voici en plein avec la question de Fred Trabi du début. Effectivement, et toi tu étais au début pour suivre cela. Allons-y. Voilà, parce que dans le sud de la France c'est les plages, hein. C'est les plages, les machins et tout ça. Il faut être belle, il faut être bronzée, enfin pour les blanches, il faut être c'est la plus belle à la plage avec son bikini et tout ça, machin. Et quelques jours avant de voyager, le Seigneur m'avait montré en songe, parce que je me posais beaucoup de questions, si je peux me mettre en maillot de bain en tant que chrétien. Et il m'a montré quelque chose en songe. Il m'a montré ma meilleure copine, l'italienne, une italienne, habillée en bikini, très sexy, très très sexy. Et j'ai compris qu'il me disait qu'il ne faut pas que j'achète un maillot de bain en fait. J'ai compris qu'en fait, ça, c'est, il fallait pas que je me mette à maillot de bain. Parce que, dans le sens, c'est bizarre, hein. Elle apparaissait elle était comme une, comment dire, une divinité, quoi, très très très bien habillée, très très sexy, et tout le monde la regardait, elle se vantait, elle se pavanait comme ça là. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit: ah Seigneur, merci, j'ai compris. Et je ne me suis pas acheté de maillot de bain. Et quelle est sa réaction et la réaction de ton mari en bordure de plage couverte comme une juive? Ah, mon mari, je pense que le Seigneur, il dispose vraiment. Mais tu sais, ça a été dur pour lui quand même. Hein. Ça a été très dur. Ça a été très, très dur. Vraiment. Là-dessus, franchement, je dirais pas le contraire. Ça a été très, très dur. Mais il accepte. Il accepte. Je vois que petit à petit, le Seigneur dispose les choses, voilà, tout doucement, quoi. Au début, je me suis dit, il va me quitter. Au bout d'un moment, il va plus supporter. Et puis, il va s'en aller. Bon, je mets tout ça en prière, mais je m'aperçois qu'au final, il s'accroche quand même. Hein. Et aujourd'hui, il fait plus attention, en fait. Il fait plus attention parce qu'il me dit, des fois on discute, même quand on va avant de se coucher, on a des petites discussions comme ça. Et puis, sachant que je suis transformée en tout, hein, mon comportement et tout ça, j'étais vraiment, j'avais le feu avant avec mon mari. Je lui manquais beaucoup de respect. Donc finalement, le Saint-Esprit a transformé et l'intérieur, comme pour la sœur, le cas de la sœur Reine, et l'extérieur. Amen, amen, absolument, absolument, vraiment, c'est même moi, je me surprends tous les jours, quoi. Je me surprends tous les jours, parce que mon mari, c'était moi qui portais la culotte ou le pantalon, je sais pas comment on dit. Et c'est exactement ce qu'on dit, c'est exactement ce qu'on dit, tu as très bien dit cela, continue ma soeur. Et voilà, et moi, j'étais du genre, je voulais jamais me laisser faire par lui, quoi. Il était hors de question, et puis lui, pareil. Donc, il y avait toujours des disputes à la maison, des disputes tout le temps, tout le temps. Donc, et je pense que de par ma transformation, ça le transforme aussi sans le vouloir indirectement. Parce qu'il voit, qu'il n'y a plus de comment dire, face, quand tu vois que l'ennemi... Oui, il n'y a plus de résistance, des challenges, il n'y en a plus. Voilà. Donc, du coup, hop, il se rétracte, et c'est vraiment... C'est cool, quoi. C'est vraiment cool. C'est... Donc, Jésus est cool, quoi. Amen. Ah non, non, mais c'est merveilleux. Donc, donc pour revenir à la plage, écoute, il ne m'a pas fait de reproches, mais parce qu'il savait très bien que de tout, même s'il ne comprend pas tout dans ce que je vis avec ma relation avec le Seigneur, il a compris que c'est une voie que j'avais choisie. Et ce qui est bien avec les Blancs, quand même, c'est l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils respectent beaucoup. Tu vois, non, ils sont tolérants. Voilà, ils sont tolérants et ils t'aiment pour ce que tu es, finalement. Tu vois, non. La majorité des Blancs. Si c'est un noir, pardonnez-moi, mais c'est vrai, quoi. En même temps, on a notre caractère. Le noir, il n'est pas patient. Enfin, c'est ça, c'est lui ou c'est ça ou pas, ou je sais pas comment dire. Mais voilà, moi, j'ai eu cette grâce. Et parce que j'ai beaucoup demandé au Seigneur de m'aider, de m'accompagner, de changer un peu le cœur de mon mari. Et ce qui fait qu'avec le temps, les choses se font, quoi. Absolument. Les choses se font tout doucement. Absolument. Et j'espère seulement que lui aussi, il va être impacté aussi, il va être touché. Le Seigneur va faire quelque chose. Oui, ce que je retiens, c'est que quand nous étions là-bas, quand nous partageons de la parole de Dieu, il était toujours attentif. Et quand j'ai formé les enfants en disant que les enfants répètent: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et c'est à lui que j'indiquais cela. Et puis deux minutes après, quand les enfants faisaient ce qui n'était pas juste, il dit: mais tout à l'heure, on t'a dit que tu dois respecter tes parents, tu vois. C'est vrai, on dit que petit à petit, malgré qu'il faisait cela, il avait les oreilles écoutées là-bas. Absolument. Oui, il est comme ça, absolument. Mais vraiment, oui. Mais maintenant, je sais pas, J'ai dit, quand je lui ai dit l'autre jour, il a eu un songe, alors que c'est quelqu'un qui ne se rappelle jamais de ses rêves. Un jour, je lui ai dit: mais est-ce que tu rêves même? Parce que c'est bizarre, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, il m'a jamais raconté ses songes et tout. Il me répond, tu sais, moi, je ne me rappelle jamais de mes rêves. Je lui ai dit: ah, c'est quoi ce genre d'homme-là? Comment on peut ne pas se rappeler de ses rêves? Ah, celui-là, lui aussi. Si, ces démons-là, enfin voilà. Et donc, pendant deux fois, je lui ai posé la question. Il me dit non, je ne me rappelle pas. Mmh. Et puis, il y a trois semaines en arrière, je suis allée me coucher. On est allé se coucher. Et tout d'un coup, il sursaute comme ça. Mmh. D'accord. Mmh. Et je me retourne vers lui. Je lui dis, chérie, ça va? Tout va bien? Il me regarde, il me dit, oui, oui, ça va, ne t'inquiète pas, je viens juste de rêver. Je dis, ah bon? Il me dit, j'ai rêvé que j'étais dans une planète, j'étais dans la planète, dans une planète, oui, c'est ça qu'il a dit, dans une planète, et il y a eu une étoile qui lui est tombée dessus, sur sa tête, en fait. Oui. Un short vivant, pan, et là, il s'est levé. Voilà. C'est ça. Je dis, oh, tu t'en es rappelé? J'ai dit oui. Et cette même nuit, je rêve que comme on dit, que mon mari et moi, on était, je sais pas où, un lieu inconnu. Et puis, c'était une manifestation sportive. Mmh. Il devait partir avec son équipe. Sauf qu'ils sont partis, ils ne rentraient pas. Mmh. Je commençais à m'inquiéter. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? J'étais inquiète et tout. Tout d'un coup, il y a une personne qui vient me chercher, c'était un lieu public. Hein. Et il me dit, madame, il y a le téléphone pour vous, on vous demande au téléphone. Je dis, ok, je vais prendre le téléphone. C'était mon mari qui m'appelait pour me dire, chérie, pardonne-moi, désolée de mon retard, j'ai dû rentrer à la maison parce que il s'est passé quelque chose, il y a eu une explosion dans le métro. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai rien eu. J'ai juste eu une petite égratignure. Dieu m'a sauvé, fais attention à toi, que Dieu te bénisse. Mon mari qui parle comme ça, attends. Et puis tout d'un coup, je me réveille. Pareil, la même réaction en réalité. Oh non, c'est pas vrai, Chanur, qu'est-ce que tu me dis là? Mon mari qui parle comme ça. Ah, je me suis levée, je suis allée aux toilettes, j'étais sur le tronc, j'étais comme ça. Mon Dieu. Eh bien, j'espère que tu ne l'as pas raconté, hein, pour qu'il dise que c'est ça, coule toujours, comme il dit là souvent. Mais j'étais tellement contente finalement que je le lui ai dit. Hein. Ces choses, ces séquences que quand Dieu te montre là, il faut y tenir. Ce sont des choses que Dieu te donne pour te dire, accroche-toi. Ça va finir par se mettre en place. Il faut t'accrocher. Ce sont des promesses que Dieu te donne petit à petit pour te fortifier. Que ta prière n'est pas vaine. Tôt ou tard, il y a des façons que Dieu fait utiliser pour transformer des gens. Il n'est pas dupe, c'est seulement l'intelligence et le cartésianisme et en plus le capitalisme. Il faut faire attention parce qu'il n'a pas grandi dans une société qui est influencée par la religion ou touchée par rapport à la Bible. Oui. Donc c'est normal, ils ont grandi dans les ténèbres, dans le tic ou tac. Quand il appuie sur le bouton, le billet sort. Il prend le billet, il met là-bas, le café sort, impresso. Donc, et la Bible, c'est pas comme ça, on n'appuie pas tac, la foi sort. Donc, pour lui, c'est pas palpable. Donc, il faut lui prêter cela. C'est la grâce. Reste tranquille dans ta position, comme Dieu a dit, même s'il ne croit pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole, envoyez votre manière. C'est ta manière de vivre chaste et réservée qui touchera son cœur, d'accord? Et il sait effectivement, d'accord? Amen. Parce qu'initialement, quand tu challenges ton autorité et que maintenant, quand il parle, tu es tranquille, tu dis, oh chérie, mon chef, il dit, oh, pff, mon chef, tu te souviens là, non? J'ai même tenté le Seigneur. Hein. Ouais. J'ai dit, mon Seigneur, il a accepté quelques temps. Et puis, finalement, il a dit, non, c'est bon, arrête, mon Seigneur, là. Passe à chef. Ouais, il dit qu'il aime encore chef, là. Oui, il me dit, je préfère encore chef. Bon, ok, mon chef. Bon, pour revenir, et puis, une semaine après, le matin, il se réveille, il me regarde, il me dit, tu sais ce que j'ai rêvé? Je dis, quoi? Encore un deuxième rêve. Hein. Tu t'en souviens? Il me dit, j'ai rêvé que j'ai eu une mutation à Islamabad, oui. Au Pakistan. Au Pakistan, chez les musulmans. Oui. Moi, c'est même pas la mutation, je me suis dit, ah, Seigneur, l'étoile là qui lui est tombée sur la tête, c'est peut-être que le Seigneur, c'est pour éclairer son... Je sais pas. Parce que l'étoile, ça symbolise quoi? Il y a des choses que Dieu donne en explication et en symbole. L'explication lui est due. N'essayez pas par les têtes, essayez d'interpréter. Comprenons tout simplement que Dieu a dit quelque chose va arriver. Point. Et il te donne le signe. En fait, soit son songe et ton songe à toi vont de pair. Parce que si une étoile va sortir frapper une planète, dans un endroit comme une planète, il ne faut pas d'interprétation. C'est un peu plus clair qu'on peut savoir, mais ça veut dire qu'au finish, il va confesser que ton Dieu est grand. Amen. Et c'est pas fini parce que peu de temps, il n'y a pas longtemps, oui. J'ai même rêvé aussi que dans mon rêve, mon mari me racontait que qu'il avait rêvé. Dans ton rêve, oui, tu rêvais dans ton rêve qu'il avait rêvé et qu'il te racontait son rêve. Qu'il avait rêvé que le Seigneur lui avait dit, lui l'avait exaucé, enfin par rapport à son travail, oui. Qu'il avait une promotion. Un poste important, quelque oui. chose comme une ça. Une promotion. Voilà. Mmh. Et là, je me suis mise à pleurer, à glorifier Dieu. Je dis, oh mon Dieu, c'est pas possible. Mon mari, non, non, non. C'est, voilà. Donc, que des choses comme ça, en fait. Oui. Des péripéties comme ça. Oui. Et voilà, voilà. Des petits... Oui. Et là, je comprends que le Seigneur, comme tu dis, mais... De toute façon, que le Seigneur vous bénisse. Dieu, en fait, nous résumons tout ce que nous voyons là, c'est que Dieu utilise n'importe quel moyen pour faire venir ses enfants à lui. Un. De deux, quand il commence à t'appeler, c'est irrésistible. Tous les événements sont contrôlés par lui. Si c'est tout, tu te trouves comme. Et lorsqu'il te fait signe déjà, par ses moyens à lui, tu ne peux pas résister et tu ne peux pas faire autrement que. Tu ne peux pas te soustraire. Et au fur et à mesure, il entre dans les petits détails pour nous former. Ces petits détails-là. C'est son école à lui pour nous former. Et quelles qu'en soient les difficultés qu'il y a, il peut utiliser ces difficultés pour nous fortifier dans la foi. Que son nom soit glorifié, vraiment. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Si vous le voulez bien, comme il s'est fait et que certains d'entre vous allaient travailler, je vois que le Seigneur a dirigé que ce soit le témoignage ce soir, dans Belgique, dans la sainteté, et que les prochains jours, nous sommes, c'est mardi aujourd'hui, les prochaines semaines, notez vos questions pour que nous puissions travailler. Si vous voulez bien, nous prenons Matthieu chapitre 21, nous lisons quelques deux ou trois passages là-bas pour conclure, si vous le voulez bien. Ah, vous savez, ces choses-ci, c'est la seule chose qui me fait, qui me plaît sur la terre, c'est de voir des gens qui sont transformés pour la gloire du Seigneur. Il dit, alors, c'est vrai que nous ne prêchons pas sur la terre en vain. Malgré que les ténèbres font surface, nous tenions, malgré les moqueries, les insultes et au-delà, nous tenions ferme pour le Seigneur. Parce que les satanistes, eux, ils donnent la gloire à leur maître. Quand quelqu'un crée une publicité pour faire de la perversion, il le fait bien. Quand les gens tournent le film pornographie, ils le font très bien. Quand les gens courent les modes pour faire séduire les enfants du Seigneur et tomber dans le péché, ils le font bien. Alors nous aussi, pour la gloire du Seigneur, faisons bien pour nous. D'accord? Amen, amen. Nous faisons très bien pour nous. Honorons notre Maître et Seigneur Jésus-Christ par notre comportement, par notre façon de faire, par notre façon d'agir et de vivre. Souvenez-vous de ceci, c'est que très souvent, ce sont les chrétiens qui partent se compromettre avec le monde. Le monde ne vient pas se compromettre avec les chrétiens. Quand ils ont pris leur route, Ils vont en boîte, ils vivent la vie comme ils le veulent à fond. C'est nous les chrétiens qui très souvent on tombe dans leur piège en allant vers eux pour se compromettre avec eux. Pourquoi eux ne se compromettent pas avec nous? Quand vous êtes avec un mandat avec vous, il vous dit clairement, cache qu'il n'aime pas avec la Bible, il n'aime pas ce Dieu là. Pourquoi nous aussi on ne peut pas dire, hey, oh, la boîte de nuit avec moi c'est terminé, le sexisme avec moi c'est terminé, votre vie du monde là c'est terminé, et quitte à ce qu'on vous taxe des fanatiques, des radicales, ainsi de suite. Dans ce monde de péché, maintenant, il faut vivre dans le radicalisme. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Matthieu chapitre 21, verset 27 à 32, je vais lire. Suivez très attentivement dans votre Bible. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous y êtes déjà, je peux commencer? La Bible déclare, alors il répondit à Jésus, nous ne savons, et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Les pharisiens avaient posé la question au Seigneur Jésus, par quelle autorité tu fais cette chose, tu chasses, tu fais des miracles. Jésus leur a dit, je vais vous répondre d'abord en vous posant d'abord la question. Le baptême des gens, ça venait de qui? Alors ils sont allés se concerter en disant, ah, si on dit de Dieu, il va nous poser certainement la question, dans ce cas, si ça venait de Dieu, pourquoi n'avez-vous pas cru? Eh bien, et si on tente de dire que ce n'est pas de Dieu, la foule savait que Jean-Baptiste était un prophète, c'est qu'on va nous lapider ici. Alors, ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, ok, dans ce cas, nous ne savons. Et Jésus donc leur a dit, ok, comme vous ne savez pas, parce qu'ils savaient effectivement la réponse qu'ils sont concertés. Comme vous ne savez pas, moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité. Là, maintenant, Jésus va entrer en charge. Et c'est ce qui va entrer en charge qui nous intéresse ce soir par rapport à tout ce que vous avez dit. Et dans un autre enseignement, on va revenir en plein dans cette verset que le Seigneur va nous donner maintenant. Verset 28, il dit, quand vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Vous voyez l'ordre de ce que l'homme a donné à son fils. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne peux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. La Bible déclare, au verset suivant, Jésus pose la question, « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» C'est ce que Jésus pose comme question. Il répondit, ça c'est les pharisiens qui répondit. Il répondit, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » C'est terrible. C'est vraiment terrible. Jésus, à l'issue de cette prédication, de cette parabole, leur dit, après qu'ils aient répondu, et ils ont bien répondu, il dit, c'est le premier. Il dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Verset 32, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie, les gens qu'on taxait, les gens qui ont de sales vies, ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Amen. Regardez l'attitude de ces deux personnes-là, ces deux styles d'enfants, qui ont leur père qui dit, « Oh, toi, va travailler à ma vigne. » L'autre dit, « Oh, je ne veux pas. » Puis, il est parti. Et le deuxième, il dit, « Je vais bien. » Et il ne part pas. Vous voyez cela, ce qu'il en est? C'est terrible, notre génération nous demande de vivre. Remarquez très attentivement que la prédication de Jésus, la prédication de Jean-Baptiste, les gens qui pouvaient croire, ce sont des gens justement de mauvaise vie. Les gens qui vivaient dans la boue et qui ne savaient ni distinguer ni droite ni gauche. Dieu s'est révélé à ceux-là, ils acceptaient. Mais ceux qui étaient proches de la religion, ceux qui étaient proches de la Bible, ils ne voyaient pas Dieu à l'œuvre. Ouais, et c'est à eux donc que Jésus, notre Seigneur, dit les pharisiens et, aux pharisiens et aux sadducéens, les publicains là, il dit les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Ils vous devanceront. Pourquoi? Parce que lorsque le voile est ôté, lorsque le cœur se convertit, ils sont ôtés, le voile est ôté, la transformation a lieu directement. Mais ceux qui sont dans la religion depuis ne peuvent même pas voir ces choses-là. Pourtant, ils voient la parole prêchée. Ils voient les choses se manifester, mais ils ne peuvent même pas changer. Mais ceux qui sont à l'extérieur, vautrant dans la boue, quand Dieu se révèle à eux, le changement est automatique. Vous voyez effectivement cela. On va y revenir. Jésus dit, les prostituées vont dépasser les pasteurs dans le royaume des cieux. Les prostituées et les publicains, ceux de mauvaise vie, vont entrer dans le royaume des cieux. Les pasteurs arrêteront la Bible et n'en entreront pas. Que Dieu vous bénisse. Belgique dans la sainteté, bonne soirée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. C'est presque 2h20 minutes que nous passons ensemble comme ça. Vous n'êtes pas fâché de moi, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout. Au contraire. Oui. J'imagine certainement que la soeur Christiane a des questions et certainement vous avez des questions. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre à la prochaine séance, plaise à Dieu, n'est-ce pas? Puisqu'il a dirigé ainsi. Continuons et gardons toujours à l'esprit que s'il y a un jugement dans un pays, il faut que le Seigneur va toujours vous mettre au large. Et par conséquent, vivez bien. Vous souvenez dans des enseignements, je parle des États-Unis. Et regardez la froideur de l'Allemagne, comment le Seigneur est en train de vouloir faire maintenant le décret qui sort pour les États. Ils ne savent pas ce qui les attend. Et je crois qu'à ce moment, s'il y a le COP 23 là-bas, pour les changements climatiques, ils vont avoir des nouvelles. Ils ont tenté le Seigneur. Ils vont avoir des nouvelles à cause de ces COP 23 qu'ils ont organisées. Ils ont tellement, ils sont calmes, ils voient que tout va bien. Dieu va balayer avec la tempête. Ils sauront. Les catastrophes qui sont passées aux États-Unis se passeront là-bas. Ainsi dit le Seigneur. Alors donc, soyons prêts à tout moment que s'il y a n'importe quelle catastrophe, que Dieu nous en délivre. D'accord? Vous êtes dans des pays, des territoires où Dieu est manifestement mis au dehors. Et par conséquent, ceci attire facilement le jugement de Dieu. L'homosexualité, la pédophilie, toutes ces choses qui se passent là. Quand ça arrive comme ça, Dieu va ordonner seulement aux anges des pays de frapper. Quand il va frapper, les gens vont commencer à dire, ok, si Dieu était là, ne sachant pas que c'est Dieu les appelle comme ça à la repentance. Mais vous êtes avertis de ces choses-là, que c'est les événements fâcheux qui arrivent, c'est à cause des péchés qui se passent, c'est à cause du nom de Dieu qui est blasphémé, Dieu les attire à la repentance. Donc quand ces événements se passent, vous n'ayez pas peur, restez seulement tranquille encore et travaillez davantage dans la sainteté. Amen. Bonne soirée à vous, ma famille. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Merci. Sois béni, mon frère. Sois béni. Bonne soirée. Reposez-vous bien dans le Seigneur. Shalom, shalom. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit.